Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Estaminière, de votre podcast distillé à base de passion. Je suis une nouvelle fois avec Mister Yanda qui apparaît en premier sur ma vidéo. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toi Mister Yanda. Salut tout le monde. Et je suis également avec mon bro Valentin. Salut Valentin! Eh bien, bonjour à tous, comment allez-vous? Pour ma part, je commence ce podcast avec une Brooklyn Defender IPA, une bière que je ne connais pas mais qui m'a l'air fort gouléante. Ah, de l'IPA, dis donc, ça y est, le mec est, comment on dit, dans les sphères hipster, voilà. C'est le podcast où on va pas retrouver ces mots. Notre figure publique. Je me laisse pousser la barbe et tout. Donc notre figure publique, notre célébrité, c'est monsieur Chris, évidemment. Bonsoir mon poussin. Écoute, je suis content de t'avoir parce que dis donc, j'appelais là, ça sonnait. Ça me disait que le numéro n'était pas attribué. Bref, private joke pour commencer, on comprend rien du tout. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, l'Estaminerd, c'est donc votre podcast un peu estaminet, un peu nerd. Qu'est-ce qu'on boit pour faire cette émission ce soir? Je bois du coup, c'est un IPA, évidemment. Ça m'a complètement perturbé, parce qu'effectivement, écoute, je pensais pas qu'elle allait l'annoncer. Moi, je bois de la cristalline gazéifiée, voilà. Donc, il y a de la cristalline. Oh. Il a sa propre boisson, le mec. Bah, les mecs sont méta, les mecs sont méta. Moi, je suis de façon tout à fait, innovante et, comme on dit dans le sud, fournie au Château La Pompe, grand cru millésime. C'est formidable. Château La Pompe, c'est l'eau de ville, c'est pas une position, on est d'accord. Alors, c'est, si jamais c'est une position, je ne connais pas, mais moi je suis à l'eau de ville, ouais, tout à fait, au plat. Ah, très bien, très bien. Bon, si je devais choisir quelque chose, je serais à l'Adel Scott, évidemment, mais j'ai pas eu le temps, confinement oblige, d'aller en acheter. Ce soir, on va se lancer dans un grand sujet, on va s'y lancer, vous allez voir, parce que nous sommes une équipe de Joyeux Drill qui se lance dans le podcast, même si c'est pas tout à fait vrai. Et justement, on voulait revenir sur comment en fait on se lance dans ces trucs-là. Comment est-ce qu'on devient un lecteur, un fan, un passionné de quoi que ce soit, ou une passionnée évidemment. Et comment est-ce qu'on passe de cette personnalité de fan à cette personnalité de chroniqueur, de se mettre en avant, de produire du contenu, de faire de la radio, de la télé, d'avoir un blog, de streamer, de faire de la vidéo, de faire tout ce genre de choses. Comment on se lance? Pourquoi on se lance? D'où vient la légitimité de faire tout ça? C'est des questions auxquelles on va tenter de répondre parce que c'est un sujet qui nous paraît important. D'autant que, en ce moment, beaucoup de gens s'ennuient, visiblement. Et donc, c'est peut-être le bon moment de profiter du confinement et de se lancer sur Internet, de faire le point avec ses passions et d'oser faire des trucs. Et d'oser rater, puisque c'est comme ça qu'on commence, en fait. On ose rater. Je sais pas, on commence par qui? Qui veut raconter comment il est devenu une personnalité publique, on va dire? Entre guillemets, ça fait rigoler, mais comment vous êtes devenus des personnalités publiques? C'est drôle. J'aurais envie de dire que je suis devenu ça en ne pensant pas le devenir, en fait. C'était surtout ça. L'idée première, c'était vraiment pour moi de faire un truc qui me faisait kiffer. À la base, c'était surtout le montage vidéo. Et j'ai commencé par faire du montage avec des séquences de jeux vidéo. Je capturais mes parties et d'ailleurs il existe dans les tréfonds. Tu capturais tes parties? Ouais, dans les tréfonds de YouTube, mais pas si profond. Quelques vidéos qui doivent traîner encore de mes réalisations. Dans mon historique de joueur vidéo, j'étais un mec qui est tombé raide au moment de la Xbox et des histoires de trophées et de succès. Ça m'a rendu complètement fou, ça a changé ma façon de jouer, j'étais vraiment après ça. Et donc en fait j'ai participé, j'ai réalisé pour certains forums des guides de succès pour aller déverrouiller, et donc du coup la vidéo était bon moyen de montrer comment on faisait ça. Et du coup c'était en quelle année tout ça? Ça c'était en 2011, ouais, dans ces eaux-là, aux alentours de 2010, quoi, post-2010, à peu près. Et du coup, j'ai commencé en faisant ça, quelques vidéos sur ça, quelques let's play, quelques guides, et en fait, j'ai assez rapidement tourné en rond, parce que mine de rien, en fait, dans le jeu vidéo, mis à part, alors, le stream aujourd'hui a pas mal changé le truc, s'il n'y en avait pas trop à l'époque encore, mais à l'époque, genre, c'était il y a 10 ans, mais... Et donc, du coup, en fait, les possibilités de montage en termes de jeux vidéo étaient quand même assez limitées, donc je me suis vite assez retrouvé à tourner en rond, et je me suis dit, de quoi je pourrais parler d'autre dans lequel je m'y connais suffisamment pour pouvoir le faire sans passer pour un plouc, et puis avoir des possibilités de montage un peu plus étoffées. Et c'est le comics, et du coup j'y suis venu comme ça. Et ça arrive rapidement, parce que, enfin, j'ai pas révisé, mais si, il me semble que le moment où je découvre, moi, ce que tu fais sur Internet, on doit être au, au courant de l'année 2014, et t'es déjà face cam avec des vidéos de présentation, face cam, donc ouais. On te voit face à la caméra, ouais. Avec des vidéos de présentation sur lesquelles il y a du montage, sur lesquelles t'as un discours étoffé, oui. Où t'apprends tes phrases par cœur, tu souris en regardant la caméra, enfin, c'est déjà, c'est ça, ouais. C'est déjà chiadé, quoi. Alors, oui, après, bon, je pense qu'on, là, on est dans le contexte, mais on reviendra plus tard après sur le matos et tout, parce que je pense que là aussi il y a des trucs hyper intéressants à dire. J'étais beaucoup dans la bricole, en fait. Je m'intéressais au rendu, j'avais une certaine idée du rendu que je voulais, mais j'étais vraiment dans les débuts et dans la bricole et dans l'adaptation avec ce que j'avais pour tourner les choses. Mais oui, l'idée était là. Après, je bossais un petit peu le truc pour que ça ressemble quand même à quelque chose de propre pour moi, mais l'idée c'était vraiment de faire un truc qui moi me plaisait et que moi je trouvais sympa, quoi. Après, j'avais pas pour ambition de révolutionner le game, j'avais juste envie d'apporter ma pierre à l'édifice. En fait, il y avait pas beaucoup de gens à cette époque-là. Il y en avait en tout cas au moins déjà trois présents ici, et je ne suis pas contenu dedans, mais j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice, en fait, surtout. Si t'es contenu dedans, moi je faisais pas du tout de vidéo à ce moment-là. Ah oui, exact. Vidéo, ah oui, non, ouais, je commençais la vidéo beaucoup plus tard. Ouais, mais t'étais quand même déjà bien influent, et en termes de légitimité, t'étais déjà bien là, quoi. C'est marrant, on va revenir sur ces notions-là, le côté influent et en termes de légitimité, juste pour être clair sur ce point-là. Enfin, moi j'ai toujours su que je faisais les trucs dans ma chambre, en fait, donc ça me fait rire, le côté influent et tout ça. Je sais que j'ai 1000 fans, je sais que je fais le truc dans ma piole, je sais que... Enfin, du coup, c'est un peu rigolo. Oh non, mais ce qui est marrant, c'est... Je veux pas faire le faux modeste, ni minimiser quoi que ce soit. Hein. Ce qui est marrant, c'est juste la perception qu'on aura toujours de ce qu'on a fabriqué, et la perception publique de ces mêmes choses, en fait. Voilà. Tu voulais un truc propre, un truc chiadé, et en même temps de la bricole. La bricole, pour faire un truc pas chiadé du tout, c'était tout à fait le leitmotiv de Chris quand t'as commencé, en fait, si je dis pas de bêtises. Vu tes premières armes, c'est des émissions avec des costumes en carton, ou t'avais fait des trucs avant? Moi, ouais, j'allais te dire, ça commence bien avant. En fait, moi, dès que j'ai eu Internet, j'ai voulu produire des trucs sur Internet. Enfin, tu vois, on était gamins, moi j'habitais au fin fond de la Cambrousse en Normandie. Du jour au lendemain, on dit, écoute, on te donne Internet, c'est ce que je disais, et ça t'ouvre la porte à tout. Au porno, notamment, mais aussi et surtout à la possibilité de raconter ce que tu veux à tout le monde, potentiellement. Alors, tu vois, je veux dire. Quand tu dis ça, YouTube existait déjà ou pas? YouTube n'existait pas. Non, je devais avoir, je pense que la démocratisation de l'Internet, ça va avec l'ADSL, et je devais avoir 14-15 ans. Vraiment, quand on a commencé à pouvoir utiliser Internet, au-delà de la simple connexion avec un modem qui chante pendant une demi-heure et tout. Et donc, t'as quelle année? On est, si j'ai 15, 90, là. Si j'ai 15 ans, on est en 2003, quoi. La démocratisation de l'ADSL dans la Cambrousse en Normandie, ouais, on doit être au début des années 2000, quoi. Ouais. Je pense, dans ces eaux-là. Ouais. Et donc. Après Napster ou avant Napster? On est après quand même déjà. On est déjà après. Et donc à partir de là, en fait, j'ai eu, tu vois, comme tous les gens, je pense à l'époque, j'ai eu un Skyblog, j'ai eu un MySpace, si tu veux, par exemple, j'avais pas un Skyblog en mode je pose des trucs, tu sais, avec les, comment ça s'appelait, Blingy, tu sais, avec les paillettes et tout, c'était extraordinaire ça. Mais je parlais de musique, et donc je partageais beaucoup de musique et tout, et comme la musique m'a toujours intéressé, grâce à Internet, j'ai découvert énormément de trucs, et je me suis dit, je vais partager avec les gens. Et mine de rien, en fait, il y avait pas mal de, à l'époque, moi ça me paraissait énorme, mais il y avait parfois plusieurs centaines de personnes qui passaient tous les jours pour voir ce que j'écrivais sur la musique que j'écoutais à ce moment-là, tu vois, donc ça paraît à la fois énorme et ridicule peut-être, et ça a commencé comme ça, et après la vidéo... Vraiment, la vidéo, ça. Et du coup, pourquoi t'as commencé à chroniquer? Tu dis, tu parlais de la musique que t'aimais. Pourquoi est-ce que tu t'es dit, je vais parler de la musique que j'aime aux gens, en fait? Parce que je me suis dit que si ça me plaisait à moi, ça plaisait forcément à quelqu'un d'autre. Et je me suis dit que moi, ayant déjà certains goûts, découvrant des trucs, il y a forcément un mec qui allait arriver derrière moi, qui avait peut-être pas forcément encore découvert ça, et qui allait se dire, on a les mêmes goûts, je vais voir ce que lui écoute, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que moi je marchais. Moi j'aimais certains trucs, je voyais un mec qui aimait, par exemple, je kiffais Slipknot, j'allais voir, je voyais que le mec il aimait Slipknot, je regardais les autres groupes qu'il écoutait. Et mais même encore maintenant, je fonctionne comme ça. Je vais kiffer un groupe, je sais pas, de doom hyper pointu, hyper typé, etc. Si les mecs partagent un autre groupe, je vais forcément aller l'écouter. Enfin, tu vois, c'est ça, ça a pas changé en fait. Et est-ce que tu as d'autres questions sur ce... Non, non, je passe à la partie vidéo. Et du coup, la vidéo, ça a commencé à cause de mon frère. Je dis bien à cause, parce que je pense qu'il faut lui jeter la pierre. En fait, mon frère, lui, du coup, a été bien plus précoce en matière de création sur Internet, parce qu'il est né avec avec l'Internet. Il est né avec une manette dans les mains. Tu vois, mon frère, à un an, il jouait à la Nintendo 64. Quoi. Enfin, il jouait comme il pouvait, mais il est né avec une manette dans les mains, comme les gamins d'aujourd'hui. Comme les, oui c'est vrai, et de comme les gamins d'aujourd'hui naissent avec des smartphones et des tablettes, et intégrés parfois même, c'est assez étonnant. Pas du tout, pas encore. Et donc si tu veux, lui à partir de 12-13 ans, il a commencé à faire du montage vidéo. Et donc c'était des trucs tout bêtes, tu vois, des trucs tout cons, mais genre il se filmait en train de manger. Et il montait la vidéo à l'envers, et donc on avait l'impression qu'il ressortait la nourriture de sa bouche qui se reconstituait, tu vois, c'est des petits exercices de montage, mais il faisait ça, ouais, je pense qu'à 12-13 ans, il a commencé à faire ça, tu vois. Et de fil en aiguille, lui, il a commencé à faire aussi des premiers tests de jeux vidéo, et à l'époque, YouTube, je sais pas si YouTube existait, mais en tout cas, YouTube était pas du tout démocratisé, il postait ça sur un site qui s'appelait jeuxvideo.tv, qui a disparu aujourd'hui. Je crois, ou en tout cas qui ne fait plus du tout de vidéos pure et dure. Et donc il faisait ça avec une carte d'acquisition, effectivement, avec sa Xbox et une carte d'acquisition, mais tu sortais ça dans une définition totalement. Enfin, aujourd'hui c'est irregardable, les gens voudraient pas se taper une vidéo comme ça, quoi. C'est extrêmement moche, c'est très pixelisé, etc. Et il a commencé comme ça. D'ailleurs, il y a pas très longtemps, il a reposté sur sa chaîne pas mal d'archives de cette époque-là. Oui, oui, oui, j'ai vu parce que il a spammé la terre entière avec moi. Donc, il a spammé la terre entière avec ses archives et sa chaîne qui s'appelle Tilt Trip. Si vous voulez aller voir, on sait jamais, à vos risques et périls. Et donc comme il a reposté tout ça, c'est vrai que je me souvenais pas, mais on a fait énormément de trucs à l'époque. Et ça a commencé qu'un jour il a fait notre première vraie collaboration sur une vidéo sur Internet. C'est quand il a fait une vidéo sur le jeu vidéo Darkman, qui est adapté du film de Sam Raimi, qui est un excellent film d'ailleurs. Et il me dit, ah ça serait cool, déguise-toi en Darkman. En plus on devait être à cette époque-là dans la même période, je sais pas, on avait dû mater le film il y a pas très longtemps avant, tu vois, donc on était à fond dedans. Et donc moi qu'est-ce que je fais, je cherchais un vieux chapeau, je sais pas où, un bandage dans l'armoire à pharmacie. Et je me déguise en Darkman, quoi. Voilà, ça commence comme ça. Et de fil en aiguille, on a continué à faire des trucs ensemble, à faire des tests de jeux vidéo et tout. Et puis un jour, je sais pas, on en a peut-être fait 15, 20, je suis incapable de dire combien on en a fait. Il en a remis pas mal sur sa chaîne. Et l'histoire est un peu longue, mais vous allez voir, à la fin, c'est toujours pas intéressant. C'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que plus ça avance, tu dis, ah, il y a une chute, et non. Et en fait, à la fin de tout ça, et c'était la fête de la musique. Et j'ai pas l'année, mais si, c'était la fête de la musique 2011, je pense, ouais, c'est pas une blague, la fête de la musique 2011, on va voir un concert, il dort chez moi, et en fait, le lendemain matin, je me lève, et j'écris une connerie, tu vois, mais j'ai vraiment une grosse connerie, un truc débile, et j'appelle ça « Arrête où mon geek va tirer ». Blague en référence à « Arrête où ma mère va tirer avec Stallone », voilà, grosse référence cinématographique. Et donc, il se lève, et je lui dis « Oh, regarde, j'ai écrit ça, c'est rigolo, on devrait tourner ça, et tout ». Lui, toujours partant pour faire des trucs de merde, me dit bah ok, banco. Et donc on tourne ça. On avait zéro accessoire. Le premier accessoire de Arrête où mon geek va tirer, c'est une serviette de bain qui sert à faire les cheveux, parce que le premier c'est sur Spider-Man. Et le premier accessoire, c'est une serviette de bain qui sert à faire les cheveux de Mary Jane Watson. Voilà. Ça c'est le premier véritable accessoire de Arrête où mon geek va tirer. Et en fait, à partir de là, on en a fait une, on en a fait deux. Après, on s'est mis à acheter des costumes ou à les confectionner nous-mêmes. Et donc, il y a beaucoup de costumes en carton. Il y a des. Ouais, mais en vrai, c'était une émission qui demandait beaucoup de taf. On dirait pas. L'écriture, c'était débile parce que le but, c'était que ça soit complètement con. Mais il y avait un gros taf de costumes parce que j'ai passé des heures, sans mentir, à découper des cartons, à faire des. Il y a des armures qui sont assez chiadées. Notamment, il y a un Goldorak. On a fait un épisode sur Goldorak où le Goldorak était assez chiadé. On a fait les Chevaliers du Zodiac. On a fait. Je sais plus ce qu'on a fait. On a plusieurs costumes comme ça. Puis alors, au fur et à mesure du temps, on a commencé à maîtriser 2-3 techniques à base de fond vert. Bah, c'était avec du matos en plus très basique. Enfin, Arrête où mon geek va tirer. Je pense que sur les 20 ou 30 premiers épisodes, sur la moitié des épisodes, notre trépied, c'est une pile de livres. Il n'y avait pas de trépied. La caméra, c'est une petite caméra. Ça n'a rien à voir avec les trucs qu'on trouve aujourd'hui. Même les meilleurs. Enfin, aujourd'hui, n'importe quel téléphone du commerce a une meilleure qualité d'image. Enfin, c'était vraiment de l'arrache, quoi. Et on s'est beaucoup marré avec ça, ça nous a permis de rencontrer plein de gens à l'époque où YouTube n'en était qu'à ses balbutiements. Il faut comprendre que quand on a commencé à poster des vidéos sur YouTube, on ne pouvait pas s'abonner aux chaînes, ça n'existait pas, les abonnés. Et en fait, il y avait personne, enfin les grosses chaînes comme le Joueur du Grenier, c'était des mecs qui avaient au mieux quelques milliers d'abonnés. Donc moi je me suis retrouvé à faire un Japan Expo avec Punky qui à l'époque avait fondé une association qui s'appelait Press Start Button, une association de vidéastes. Et donc dans l'eau t'avais Durandal, t'avais le Fossoyeur de Film, et à l'époque le Fossoyeur de Film il avait 5000 abonnés, aujourd'hui je sais pas combien de centaines de milliers il en a. Donc c'était vraiment un tout petit milieu où tout le monde croisait tout le monde, et où même les stars du game, enfin avec 10 000 abonnés t'étais déjà le roi du pétrole quoi, et si tu faisais 1000 vues t'étais déjà hyper content parce que ça te paraissait monstrueux. Quoiqu'aujourd'hui, je maintiens que faire 1000 vues, c'est déjà énorme, parce que 1000 personnes, si tu les mets dans ton salon, c'est beaucoup. Mais c'était vraiment une autre approche, il n'y avait pas la starification comme aujourd'hui, même s'il y avait déjà des mouvements de foule autour de mecs comme Antoine Daniel, ou des trucs comme ça, où il y avait déjà une certaine émulation. Mais il n'y avait vraiment pas le système, il n'y avait pas de système de monétisation, on ne pouvait pas gagner d'argent sur YouTube à l'époque, tu ne pouvais pas monétiser tes vidéos, il n'y avait pas de sponsoring, parce que comme tu faisais 1000 vues, forcément les sponsors ne venaient pas chercher les mecs. Et surtout, tout le monde nous prenait pour des mecs chelous. Faire de la vidéo, alors nous encore plus parce qu'on était déguisés avec des cartons et des perruques, mais même sans ça... pour faire Jurassic Park et Retour vers le futur. Ben, on n'a pas fait Jurassic Park, mais on a fait Retour vers le futur qui est un épisode déjà un peu plus chiadé que les premiers, il y avait déjà un peu plus de taf. Mais c'était considéré comme une activité de mec un peu chelou, tout comme avant d'ailleurs, lire des BD, lire des comics ou jouer aux jeux vidéo a longtemps été considéré comme une activité de mec un peu chelou, je dis de mec mais ou de filles, mais c'était souvent des mecs, parce que même malgré tout, c'est vrai que les vidéastes en tout cas qui étaient mis en avant déjà à l'époque étaient plutôt des garçons, et c'était vu comme une activité de mec chelou, de mec immature, d'attardé même, hein, faut pas avoir peur des mots, et personne et ne voyait... Coup, pourquoi tu le fais? Si ça, bah si, parce c'est que... si mal vu que ça, pourquoi on le fait? Bah parce qu'on était immature et complètement débile, je pense, c'est tout. Franchement, vous voyez, il n'y a pas de secret. Non, je pense que ça nous... Nous, franchement, on commence à faire ça parce que ça nous fait rire, c'est tout. Nous, ça nous fait rire de nous déguiser et de nous filmer. Enfin, je veux dire, les plus gros fous rires que j'ai pu prendre, c'est arrête, il y a des prises de Arrête, mon geek va tirer. L'épisode dure 5 minutes, mais le tournage a duré 2 heures parce qu'on a fait que rigoler, tu vois. Le but n'était pas, en fait, d'avoir un résultat extraordinaire. Le but, c'était de rigoler. Et si les gens rigolaient en le regardant, c'était tant mieux. Et il n'y avait pas de, il n'y avait aucune pression, tu vois, je dis presque ça un peu avec nostalgie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sors un truc, t'as envie que ça marche, t'as envie que les gens regardent, etc. À l'époque, nous, on n'avait pas de pression de... Ah, Valentin qui fait un petit peu de musique, merci Valentin. Je queen, pardon. Et je disais à l'époque, il n'y avait pas de pression de statistiques ou de trucs comme ça. Les outils de YouTube n'étaient pas non plus autant développés qu'aujourd'hui. Donc très clairement, en fait, on s'en foutait quoi. On faisait ça pour rire et les gens regardaient ça pour rire et ça se limitait à ça. Et effectivement, quand tu faisais 1000 vues, c'était déjà énorme. Et voilà quoi, donc c'était effectivement un autre monde, c'est pas pour dire je vous parle d'un temps d'accord dinosaure, mais très clairement, celui qui se lance sur YouTube aujourd'hui ne peut pas connaître cette situation là, parce que c'est totalement différent, à plein de niveaux, en termes de fonctionnement, en termes de... À l'époque il n'y avait pas de... Par exemple, nos vues principalement ne venaient pas en fait de YouTube, mais venaient des partages sur les réseaux sociaux, chose qui aujourd'hui n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu fais 10 000 vues, t'es déjà content s'il y a peut-être 1000 vues qui viennent des réseaux sociaux. À l'époque, tu faisais 2000 vues, mais il y avait 1900 vues qui venaient des réseaux sociaux, tu vois. C'était complètement différent en termes de fonctionnement, je pense. D'accord, dinosaure. C'est moi. L'autre dinosaure de YouTube, c'est Valentin qui a une chaîne depuis plus de 10 ans, Valentin, c'est ça hein? Oh oui, depuis... en fin d'année, ça fera 14 ans. Et du coup, c'est ta première plateforme de création de contenu ou t'avais fait des trucs avant? Non, moi j'ai vraiment commencé sur YouTube, vraiment. J'ai commencé à faire du montage quelques mois avant seulement, et c'est un pote qui m'a dit hey, mais attends, tu connais ce truc qui s'appelle YouTube? Mais mets tes vidéos dessus, ça va marcher. Ah, n'importe quoi, ça marchera jamais. Et en fait, vu que c'était des reprises des 2 minutes du peuple, c'est ce qui me permet, malgré mes seulement 14 000 abonnés, d'avoir 11 millions de vues sur ma chaîne. Bravo. Voilà. Parce que, comme a dit Chris, à l'époque, il n'y avait pas de système d'abonnement. Tu pouvais toujours regarder des vidéos des 2 minutes du peuple. Tu n'allais pas t'abonner sur le mec qui créait ce contenu-là. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que les 2 minutes du peuple? Bien sûr que je peux vous rappeler ce que c'est que les 2 minutes du peuple. Ce sont des capsules audio que nous, en France, nous avons découvert sur Europe 2, anciennement Virgin Radio. l'ancien nom de Virgin Radio, quoi. C'était des petits sketchs audio réalisés par un mec qui s'appelle François Pérusse, qui est québécois, qui a commencé d'abord au Québec et qui a exporté son concept en France. Et c'est alors, des petits sketchs à base de calembours, de personnages truculents, d'humour un peu gras, et c'est des sketchs audio, quoi. Tu allais rajouter quelque chose? Oui, non, j'allais te contredire. En fait, oui, et la particularité sonore de ces sketchs-là, c'est qu'il il a pitché sa voix. Elle est plus aiguë, en fait. Tous les personnages ont l'air d'être un peu comme sur une bande qui serait accélérée. Non, j'allais dire, tu dis, il a exporté son concept. En fait, il a été appelé... La petite histoire derrière tout ça, c'est qu'il y a un mec au Québec qui a un faiseur d'or avec les radios qui s'appelle Guy Banville et qui a été... Guy Banville qui a été repris dans un de ses sketchs, d'ailleurs. Dont il parle, ouais, régulièrement. Ouais. Hein. Et du coup, Guy Banville est... je sais pas comment dire, acheté par Europe 2 pour aller booster les audiences et tout. On doit être en 96 à ce moment-là. Et quand il arrive avec ses idées révolutionnaires venues d'outre-Atlantique, il arrive avec François Pérusse dans sa besace. Et François Pérusse refait ses sketchs. C'est les mêmes textes, mais sans les accents et les formules québécoises, ouais, pour être adapté au matinal de France. Et ça passe dans la matinale d'Arthur dans ces années-là, quoi. Exactement. Exactement. Et c'est tout de suite un succès. Ça a marché de ouf, et moi j'ai été bercé à ça à un âge où j'aurais pas dû être bercé par tant de grossièreté, mais à tel point que j'écoutais des histoires d'ours bruns et tout ça en cassette audio jusqu'à mes 6 ans, et puis à partir de 6 ans j'écoutais des insanités en boucle pour m'endormir. Donc c'était les sketchs de François Pérusse enregistrés à la radio que je me passais tous les soirs, ce qui fait que comme on n'apprend jamais autant qu'au moment de s'endormir, et ben je les connaissais par cœur très très vite. Et quand j'ai eu c'était pas une caméra, c'était un appareil photo numérique à l'époque, pareil avec une définition pourrie, mais le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est de faire du lip sync en fait par-dessus ces sketchs là et c'est donc un pote qui m'a dit mets ça sur internet, et donc j'ai mis ça sur internet. Il y avait déjà un système de commentaires sur YouTube, je sais plus, je pense que oui, mais j'avais effectivement un Skyblog aussi. Et c'est là où les gens réagissaient, où je voyais que la sauce prenait bien, que ça marchait pas mal et tout. Et donc j'ai continué à faire des reprises de ces sketchs pendant 2-3 ans après, quoi. Voilà. Ok. Et pourquoi t'as commencé à faire des... Pourquoi tu t'es dit je vais faire des lip-sync de François Pérusse? Parce que tu peux être fan de quelque chose sans avoir besoin de créer du contenu autour, en fait. Bah parce que ça me faisait marrer, et puis parce que j'avais besoin de matériel pour m'entraîner sur le montage. Comme Yanda, en fait, c'est un truc que j'ai... Bah, j'en ai fait plus ou moins mon métier maintenant. Mais du coup, oui, le montage, quand j'ai découvert ça, ça m'a foutu sur le cul, dans le sens où ça a été un coup de foudre. Je me suis dit, tiens, ça c'est une activité où je vais m'épanouir, c'est sûr. Et du coup, il me fallait du matériel, et comme j'avais pas forcément d'idées, mais que j'avais du pétrole, je me suis dit que j'allais faire du lip-sync sur les 2 minutes du peuple, et pour ce qui me permettait après de faire du montage, des effets spéciaux en me dédoublant. Alors c'est très nul, hein, puisqu'on voit la coupure sur l'écran, mais ça me permettait. Mais tu vois, c'est là que t'as tort, c'est pour ça que c'est bien. C'est parce qu'on voit les trucages que c'est bien. Non, mais surtout qu'il y a des gens à l'époque qui tombaient dans le panneau, donc ils devaient être très jeunes ou très cons, ou les deux. Mais parce que on avait des écrans CRT de très mauvaise qualité aussi. des gens qui disaient ah, mais là, il a un frère jumeau et tout, alors que tu vois clairement des différences de luminosité sur la même image, en fait. C'est assez impressionnant. Bref, donc voilà, donc oui, c'était surtout. Enfin voilà, c'est pour plusieurs raisons, mais la principale étant que ça m'entraînait à faire du montage, quoi. Ok. C'est drôle cette histoire de frères jumeaux, ça me rappelle un truc. J'ai pas de frères jumeaux, mais à la PCE, donc de 2000. Donc Paris Comics Expo. Paris Comics Expo. Je vois venir l'anecdote. De 2016. C'était 2016. Oui, c'était 2015. On était tous ensemble, ouais. Ouais. C'était 2016 et ouais. Et du coup, c'était aussi. Alors attends. Oui, si, c'était la PCE. J'étais... ou non, c'était peut-être pas la PCE du coup, puisque j'étais avec DC Planète. donc ça devait pas être la PCE. Bref, un événement comics, voilà, c'était une anecdote démarre très mal, il va falloir vite rattraper tout ça. Donc en fait, j'étais avec DC Planet et c'était comme souvent dans les conventions et dans toutes ces relations internet et contenu, etc. C'était la première fois que on se retrouvait une majorité des membres du staff de DC Planet à cet événement et qu'on se voyait IRL. Et il y avait donc notamment un des gars, ancien gars de DC Planet qui était là, Riddler de son pseudonyme, qui en me voyant me dit « Ah, c'est trop bien et tout, c'est cool, et par contre, est-ce que ton frère est venu ?» Et là, en fait, j'ai bugué parce que j'ai effectivement un frère dans la vraie vie, mais qui n'a rien à voir avec YouTube, avec tout ça, et je me suis dit « Comment ce mec connaît mon frère, quoi ?» je lui dis mais en plus non il a vraiment il est pas du tout qu'est-ce que enfin comment tu sais et en fait le mec était très sérieux mais si mais il est avec toi dans les vidéos je lui dis qu'est-ce que tu racontes il est jamais avec moi il a jamais apparu dans une seule vidéo non et en fait il parlait des quelques séquences que j'ai fait sur quelques vidéos où je fais du chant contre chant oui. Exactement et mais c'est moi à chaque fois et lui était vraiment mais littéralement persuadé je pensais qu'il se foutait de moi et en fait non il était vraiment hyper sérieux était persuadé que j'avais un frère jumeau et quand je lui ai révélé la supercherie. Il était vraiment choqué, quoi. C'était très drôle. Ça m'avait fait beaucoup rire. Voilà, fin de l'anecdote. Non, c'est la magie du montage, mais comme quoi. Ouais. En fait, nous, il y a plein de trucs en matière de vidéos qui nous semblent basiques, naturels, ouais. Ouais, voilà, ou pas intéressants, ou des trucs, voilà. Et en fait, sur le commun des mortels, si on peut dire, qui font pas forcément de vidéos, qui maîtrisent pas l'aspect technique, il y a des toute petite recette qui fonctionne très bien visiblement, donc peut-être un peu moins aujourd'hui parce que tout le monde est rodé un peu à la vidéo aujourd'hui, mais il y a quelques années encore c'était pas si standard que ça de faire de la vidéo sur YouTube, donc et ça je pense que c'est un frein intrinsèque qu'il faut faire sauter tout de suite, quoi. Si tu t'as pas encore démarré et que tu veux te lancer sur un truc quel qu'il soit et que tu te dis ah mais non je peux pas ça va être nul, ça va pas bien, laisse tomber. Tout on a tous fait des trucs nuls si tu reprends les premiers trucs jusqu'à il y a même pas forcément que les premiers jusqu'à la semaine dernière là, c'est ça ouais. c'est comme t'as dit Matt tout à l'heure, je suis complètement d'accord avec toi, ça fait partie, c'est se planter quoi, c'est apprendre à se planter et c'est essayer des trucs quoi. C'est aussi en ça que c'est rigolo et que c'est kiffant. C'est au-delà de partager des trucs, c'est t'essayes des choses quoi. Et ça c'est un truc à lever quoi. Faut pas avoir peur de se planter, c'est même pas ridicule parce que dans l'absolu, tu n'auras d'importance auprès des autres que l'importance que tu accorderas à leur retour quoi, c'est tout. Après, si un mec te dit t'as fait de la merde, écoute c'est ton avis, c'est cool mais c'est pas grave et Ça, des fois ça t'empêche pas d'être content de ce que t'as fait quand même quoi. Ah, ça peut être un truc qui est objectivement est foireux ou un peu raté et tout et où toi finalement t'es allé au bout de ton truc et voilà, et j'ai pas d'exemple précis mais tu peux être très content et être très fier d'un truc qui objectivement est pas fifou mais toi t'as fait tu vois ta progression en fait quoi. Donc, Alors moi je vais être un peu plus modéré sur un aspect. Effectivement, l'aspect technique, faut pas s'arrêter à ça. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que, effectivement, nous, c'était plus facile il y a 10 ans, ou même encore 5-6 ans, de faire de la vidéo un peu moche, avec une qualité pas top, parce que c'était encore les balbutiements de la chose. Aujourd'hui, les gens qui se lancent, il y en a beaucoup qui ont déjà une qualité technique dans le montage, dans la réalisation, dans les animations, etc. de ouf. Donc, le public, si on peut dire, attend un certain niveau qualitatif. Alors, je suis pas pour, mais indirectement, c'est des coûts, effectivement. Si tu sors un truc qui n'est pas super propre, qui est vraiment trop crado, les gens vont te le dire. Alors après, il y a des tas de façons de se le faire dire. Il y a des gens qui vont être sympas, qui vont t'accompagner, qui vont dire « Travaille ça, retravaille ça, intéresse-toi à tel ou tel matos. » Et ça, c'est bien. Il y a des gens qui vont juste te dire « C'est moche, c'est de la merde. » Et effectivement, là, il ne faut pas les écouter. Et il ne faut pas prendre ça au premier degré. Il ne faut pas s'arrêter à ça, sinon tu t'arrêtes. Donc, il ne faut pas se bloquer sur l'aspect technique. Cela étant, je pense aussi qu'il est important quand même d'essayer continuellement de progresser d'un point de vue technique. C'est-à-dire que tu peux être content de ce que tu fais, mais il faut quand même toujours aller chercher un petit peu ce qui peut être amélioré. Parce que je pense aussi que si tu te contentes de ce que tu fais techniquement à un certain moment, tu progresses jamais, et c'est un ensemble. C'est-à-dire que tu vas pas progresser techniquement, mais tu vas pas progresser dans le montage, tu vas pas progresser dans l'écriture, tu vas pas progresser dans les thèmes que tu vas aborder, tu vas pas aller chercher peut-être plus loin que ce que tu faisais déjà. Donc je pense qu'il faut aussi savoir, le produire du contenu en général, je pense que ça impose aussi d'une certaine façon quand même, je vais pas dire de se lancer des défis, mais d'être toujours dans la volonté d'avancer pour faire toujours, mieux. À ses yeux, à soi, hein, pas forcément aux yeux des autres, mais moi je pense qu'il faut savoir aussi voir les défauts de ce qu'on fait. Il faut pas être trop content de ce qu'on fait, c'est un peu paradoxal, mais il faut toujours chercher. Enfin, moi je sais que je cherche toujours le truc qui me. Et après je vais voir que ça. Donc si genre je croche sur un truc dans une vidéo, eh ben je vais voir que ça quand je vais revoir la vidéo. Mais je pense qu'il faut pas. Même pas négliger le besoin de toujours aller chercher la petite chose à améliorer, quoi. Bah moi, je trouve que ton imitation de Miley Cyrus, elle était très réussie. Mais elle était super. Elle était super. Mais tu vois, l'exemple type, avant le premier épisode de Comics Rise, parce que Arrête Mugi Vatia, c'est mon frère. En gros, j'écrivais, je faisais les costumes, mon frère faisait le montage. C'est comme ça qu'on marchait. Arrête Mugi Vatia, c'est la première vidéo que j'ai vraiment montée tout seul. Je n'avais jamais monté. Le premier épisode de Comics Rise, ouais, c'est la première vidéo que j'ai vraiment montée tout seul. Je n'avais jamais monté une vidéo, en tout cas, à part 2-3 conneries, tu vois, mais vraiment un montage d'une vidéo avec des séquences, avec des images, etc. Je n'avais jamais fait de montage de ma vie avant. En gros, pour résumer, quoi. Donc forcément, oui, il y a un milliard de choses. Et si tu regardes les premiers Comics Rise, maintenant, ils vont avoir 7 ans. C'est sûr que c'est le jour et la nuit, et encore aujourd'hui je suis loin d'avoir le niveau technique d'un Valentin, parce que c'est pas du tout mon domaine. Moi je suis pas du tout un technicien et je suis pas du tout un spécialiste du montage, et c'est pas un truc sur lequel je travaille plus que ça. Je vais pas chercher, tu vois, les petits trucs que je pourrais ajouter, ou j'y connais rien en vrai, mais t'apprends forcément, en fait t'apprends en le faisant, quoi. À moins de sortir, effectivement, oui, si tu sors d'une école où t'as appris à faire du montage, à faire de la com, à faire tout ça, ok, t'arrives sur YouTube, t'as une vidéo semi-pro, on va dire, mais le commun des mortels qui a suivi un parcours relativement général et qui veut juste faire de la vidéo, généralement il part de zéro, et donc ça t'impose de progresser au fur et à mesure. Tu peux pas démarrer et avoir un truc parfait. Après, je pense qu'il faut par contre savoir se mettre des paliers, ouais, et se dire le prochain coup je ferai mieux, quoi. Pardon, excusez-moi, j'ai des petits problèmes de connexion, donc parfois j'ai l'impression que vous avez fini de parler alors que pas du tout. Néanmoins, je fais une petite parenthèse. Sachez, chers auditeurs, que je n'ai jamais autant appris en montage et je me suis jamais autant amélioré alors j'ai fait une école de cinéma, de technicien audiovisuel en fait, donc c'est l'ESRA. J'ai fait une formation en 9 mois qui t'apprend un peu tout, les bases en fait, cadrage, montage, etc. Et bien je n'ai jamais autant appris à faire du montage et à évoluer là-dedans que chez moi tout seul avant cette formation là. Cette formation là ne m'a rien appris en termes de montage. Elle m'a appris des choses dans d'autres domaines, mais au niveau du montage, pas du tout. C'est vraiment en m'entraînant tout seul, j'ai vraiment été autodidacte en termes de montage. Et si bien que cette formation là ne m'a rien appris au niveau du montage, même au niveau de, au-delà de la technique, on va dire de comment une vidéo s'articule, de comment une vidéo respire, du rythme d'une vidéo et tout ça, je l'ai appris soit auprès de professionnels quand même, soit tout seul ou en copiant, en regardant, en analysant d'autres vidéos, des documentaires, ce que je pouvais voir à la télé ou sur internet, et en essayant de reproduire ça. Donc faut pas hésiter non plus. Pas forcément dans une optique de publication ou quoi, mais rien que pour soi-même, singer ou imiter ce qu'on voit et voir pourquoi ça marche, comment c'est fait, et on peut tout à fait acquérir un très très bon niveau juste en apprenant tout seul et en s'entraînant tout seul, quoi. Alors je vous dis ça, j'ai commencé le montage en 2005 vite fait, et j'étais dans cette école-là en 2013, donc 8 ans après. Donc voilà, ça m'a quand même pris du temps pour être un peu pro au niveau du montage. Mais voilà, quoi, c'est pour dire qu'on peut très bien s'en sortir sans cours pour ce qui est du montage notamment, et pour d'autres domaines aussi, bien évidemment, surtout qu'Internet est là maintenant avec plein de tutos pour nous aiguiller. Et oui, il y a toutes les ressources pour apprendre aujourd'hui en ligne sur ces trucs-là, mais il n'y a pas le choix. Il faut commencer par patouiller pour si on veut commencer par faire quelque chose. Si tu dis je voudrais faire de la vidéo, mais je ne sais pas en faire. Bah écoute, oui, commence, il faut apprendre, t'as pas le choix quoi. On ne peut pas encore se télécharger du contenu directement comme Neo en fait pour apprendre le Kung Fu avec une clé USB. Je voulais rebondir aussi sur le côté, effectivement il y a beaucoup de tutos qui sont très bien faits, et il y a surtout une chose qu'il faut garder en tête, c'est que quand tu te lances tout seul chez toi dans ta chambre, ce qui est le cas de 99,99,99% des gens. Et c'est ce qu'on veut encourager. Voilà, c'est que tu es tout seul en général. Et que tes standards aujourd'hui sur Internet ne sont pratiquement jamais produits par des gens tout seuls. C'est-à-dire que même sur des grosses chaînes YouTube, les vidéos sont faites par des fois 2, 3, 4 personnes. Alors ok, tu verras qu'un seul mec à l'écran, mais il y a un gars qui a géré l'image, il y a un gars qui a géré le son, il y a un gars qui a écrit des fois même d'ailleurs. Il y a des types qui ont des nègres, voilà, on va pas mentir. Et on a le droit de dire nègre encore ? Oui, dans ce podcast. On peut dire auteur sinon. Oui, mais auteur c'est respectable. Que là tu vois, c'est plus ils ont des... Voilà, Ils exploitent des mecs, quoi. Je veux dire, c'est, il y a un mec qui a fait la miniature, il y a un mec, et tout ça pour la visibilité, évidemment. Parce que je veux dire, il y a rien de plus important dans la vie. Souvenez-vous, faites-vous payer en visibilité, c'est très important. Donc, si tu veux, voilà, il faut pas oublier que vos standards, les standards que vous avez aujourd'hui sur Internet sont sûrement pas l'œuvre d'une seule personne comme vous, toute seule dans sa chambre. C'est l'œuvre, parfois, d'équipes techniques qui sont peut-être équivalente à celle de certaines émissions télé, et que les mecs comme Cyprien et les gars de chez Webedia, ils font croire qu'ils tournent dans leur salon ou dans leur chambre, mais en fait c'est des studios télé où des mecs gèrent le matos. Voilà. Ah, donc c'est standard là. Ok, je pensais que tu parlais de... moi je pensais à Lollipop 35 sur Chaturbate. Elle, ça se voit bien qu'elle est toute seule, mais ok, pardon, excuse-moi, non, je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que cette intervention? Effectivement, oui, parce que les standards des gens, c'est même pas V pour Valentin ou Chris de Comics Race ou je sais pas qui. Ah non. Les standards des gens, c'est l'onglet tendance YouTube où ils vont voir McFly et Carlito, ils vont voir Squeezie, ils vont voir... Ce qui est pas, je dis pas que c'est un mauvais standard. Du moment que ça te donne envie de te lancer et de faire aussi de la vidéo, c'est tant mieux. Mais faut bien comprendre que ces gens-là ne sont pas des mecs qui font leur petit tournage, leur petit montage dans leur chambre tout seul. C'est des vraies équipes techniques, c'est produit comme des émissions télé. Donc c'est évident que si demain tu décides de faire une émission, t'auras pas un rendu d'émission télé dès le premier jour, surtout si t'y connais que dalle. Mais c'est pas ça qui doit t'arrêter en tout cas, d'après moi. Ok. Et on parle beaucoup de vidéos depuis tout à l'heure et d'approche vidéo. Il y a quelque chose que je me demande depuis longtemps. Alors j'ai un peu mon idée de par mon expérience perso à moi, mais je veux bien celle d'un pro concernant plus toute la partie audio. Là, je vais m'adresser à vous, monsieur Matt. Dis donc, hein. Surprise. Ouais, c'est fou. Par rapport justement à des gens qui voudraient démarrer et tout, qui voudraient se lancer, la part d'importance de l'audio, et est-ce que c'est compliqué, on disait il y a plein de tutos, il y a plein de trucs pour gérer les parties vidéo, pour les montages, pour les techniques, pour des trucs. Est-ce que pour l'audio, tu penses qu'on peut aussi trouver autant, est-ce qu'il y a besoin? Alors, je sais pas. Alors, déjà, nous, je nous trouve très centré là depuis le début de ce podcast sur la vidéo. Alors que, souvenez-vous, on a dit qu'on parlait quand même de se lancer au sens large, hein, évidemment, se lancer dans un blog, se lancer dans le podcast, se lancer dans un peu tout ce qu'on veut. Donc, il va falloir élargir, mes petits cocos. Mais oui, il y a à peu près toutes les ressources qu'on veut pour faire tout ce qu'on veut. Après, c'est vrai que pour être tout à fait honnête, et puisqu'on n'a rien préparé pour ce podcast, j'ai pas vraiment fait de recherche, et voilà, moi j'ai plutôt galéré avec différentes ressources techniques, que ce soit le codage web, la vidéo, ce genre de bêtises, puisque le son, en fait, j'ai eu les bases avant, donc j'ai pas cherché de tuto sur internet pour le son, donc c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à répondre à ta question. Après, je sais qu'il y a il y a aujourd'hui de la facilité pour trouver du matos qui est beaucoup plus simple à utiliser en termes de micro et tout, et que par exemple là aujourd'hui je vous parle dans un micro à 50 balles qui est branché en USB sur mon ordi et qui sert à faire la captation. J'ai pas besoin d'acheter un micro semi-pro à 150 balles que je dois brancher sur un préamp, que je dois rentrer sur une carte son qui a des entrées XLR pour pouvoir ensuite la mettre sur mon ordinateur comme quand j'ai commencé, et où là on parle de plutôt 400 balles de matos en fait. Donc Donc il y a moyen, le matériel est devenu plus accessible et donc on peut tester des choses et jouer avec. Après, je sais pas s'il y a besoin de tuto pour apprendre à parler dans un micro et voir que quand t'es bien devant, ta voix est jolie et que quand tu te décales, ta voix elle est moins belle. Mais et puis pour toutes ces histoires non, moi, de... je trouve pas. Et pour toutes ces histoires après de montage audio, oui, il y a des tutos de base pour apprendre à faire une base de montage. Ce qui est rigolo, c'est que c'est la même logique en fait. Les outils, que ce soit du montage vidéo ou du montage audio, fonctionnent à peu près de la même façon, même si ce ne sera pas les mêmes touches, ce ne sera pas les mêmes raccourcis ou ce genre de choses, mais c'est la même logique, c'est à chaque fois des bandes, tu te repères soit avec la forme d'onde, si c'est de l'audio, soit avec des petites vignettes, enfin... si tu commences à piger la logique d'un outil, c'est assez facile de passer de l'un à l'autre. Et tu remarqueras que je n'ai pas du tout répondu à ta question. Donc. En fait, si, tu as répondu au début, et après tu es parti sur autre chose, et tu as répondu à un truc que je pense, enfin, tu as répondu quelque chose que je pense être vrai, c'est que même si tu connais un certain domaine, et en l'occurrence, toi, tu étais plus orienté sur l'audio quand tu as démarré, il y a forcément un moment où tu vas rencontrer un problème sur quelque chose. Et je pense que ça fait partie de ce processus de créa, que ça soit tu vas lancer un blog aujourd'hui parce que bah, t'aimes raconter des histoires ou t'as envie d'écrire des articles, des trucs, bah, y a forcément un moment où tu vas peut-être avoir des problématiques, alors ou de mise en page de ton blog ou comment le faire, ou alors même après un peu plus poussé de référencement, etc. etc. Il y a forcément un moment où tu vas rencontrer une problématique sur quelque chose que tu ne connais pas ou moins, et qui donc vont te pousser, et où c'est là où justement il faut, bah, ce que disait Chris tout à l'heure, avoir alors c'est pas le potentiel, mais en tout cas l'envie de se challenger et d'aller un petit peu plus loin que de rester dans son champ de confort et sa bulle de confort. Je pense fondamentalement qu'il n'est pas possible aujourd'hui de lancer quelque chose lié à une passion ou un truc, que ça soit une chaîne YouTube, un blog, un podcast audio, un truc, en te disant je maîtrise tous les paramètres. Bah écoute, enfin... moi je trouve que ce podcast est parfait depuis le premier épisode, mais bon, tu montres ton vrai visage. Ouais, mais après, nous on a un passif, monsieur, on est des dinos, hein. Ah oui, c'est ça. Voilà. Mais tu vois, non, mais en fait, je pense que comme il existe pas mal de tutos, faut pas oublier aussi tout l'aspect entraide qu'il existe. Entre plein de gens qui font du contenu. Alors peut-être que tu connais personne dans ton entourage qui en fait, mais globalement, il existe encore aujourd'hui, je pense, un certain esprit d'entraide. Alors ça dépend où, ça dépend avec qui. Mais moi, si quelqu'un me contacte et me pose une question, alors d'un point de vue technique, je suis loin d'être l'expert de la technique ici, mais voilà, si on me demande ce que j'utilise comme matos ou quoi, je vais répondre, par exemple. Moi, quand j'ai commencé, j'avais aucune idée de quoi acheter comme enregistreur pour prendre le son, j'ai plein de trucs, enfin voilà. Et c'est d'autres mecs qui faisaient de la vidéo qui m'ont orienté vers certains types de matos. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que cette logique de demander de l'aide, c'est pas le mot. Ben, bref, en résumé, par rapport à ce que tu viens de dire, en gros ouais. Disons ça. On a des potes aujourd'hui qui font de la vidéo autour de nous, des gens qu'on connaît, qu'on côtoie, tu vois, qui nous sont accessibles et pour qui on est accessible aussi. Et je vois des gens autour de nous galérer, faire des formats qui sont de la radio filmée pendant 2 heures sur YouTube. Et quand tu leur parles du podcast, ils disent ouais, enfin, je pourrais le mettre en podcast audio, mais je sais pas trop où le mettre, quoi. Mais en fait, on est là à demander, quoi, ces trucs-là. Il faut pas hésiter à demander aux gens qui sont autour de vous, quoi. Et au pire, t'auras eu la chance de parler à Chris de Comics Race, tu te rends compte. Enfin, c'est quand même formidable. Ouais, tu parles d'une chance, mais ouais. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de demander, mais même sur les forums, sur les réseaux sociaux, sur les, enfin voilà, c'est un truc qui existe toujours, et globalement, je pense quand même que les gens sont assez... Enfin, moi, je me suis jamais fait rembarrer par un mec à qui j'ai demandé un conseil technique, par exemple, ou un conseil sur du matos. Moi, bah, tu vois, à côté, je fais de la musique. Les gens sont souvent assez passionnés par tout ça pour ne pas t'envoyer chier si tu poses une question sur le matériel que tu utilises. Enfin, le but, c'est de partager ton avis sur le matos que t'as acheté, sur le matos que tu utilises pour tourner. Donc, je pense que c'est pas un truc qui est... Il n'y a pas une barrière... Voilà quoi. Si tu parles. Après, on faut aussi remettre un peu les choses à leur place. Je suis désolé, je vais peut-être casser le rêve de millions de gens qui écouteront ce podcast, mais on est quand même accessible, quoi. on n'est pas des suprastars. Enfin, tu vois, on n'est pas une audience telle que peut avoir le JDG ou Squeezie ou autre. Donc, enfin, à partir du moment où tu vas venir poser une question, demander un truc de façon un tant soit peu correct, voilà, me vous vois pas déjà, c'est pas la peine, mais enfin voilà, je veux dire, excusez-moi, monsieur Hyundai, c'est ça, ouais. J'étais venu pour voir un film, et puis figurez-vous que il y avait un mec à ma place, et je ne comprends pas, les gens du cinéma m'ont dit de venir vous voir, donc voilà, mais enfin voilà, je veux dire, à part, enfin, j'ai répondu, je pense à 99,99% des messages que j'ai reçus à partir du moment où j'ai compris le message que j'ai reçu. Si j'ai pas répondu à un message, ben déjà je m'en excuse, mais en plus de ça, c'est probablement parce que j'ai pas compris le message. Mais enfin voilà, après il faut, enfin, parce que les gens, je pense, alors après c'est peut-être un peu biaisé de ma part, mais je pense que les gens ont souvent tendance à mettre un peu dans le même sac un peu tout le monde, et à partir du moment où t'as une certaine petite audience, tu peux être très vite pensé. C'est comme le fait que les gens étaient persuadés qu'à partir du moment où t'es sur YouTube et où t'as 1000 abonnés, ça y est, tu vis de YouTube, quoi. Et je pense que justement c'était cette espèce de pas starification, parce que je trouve ça nul, mais voilà, cette espèce de mettre la personne sur un piédestal en disant non mais il va jamais me répondre, attends, tu te rends compte, bah non, à la base de base, et encore au fond de chacun d'entre nous, il y a le fan dans sa chambre qui a envie de partager et de discuter avec des gens et d'en parler avec des gens d'un sujet commun qui nous passionne tous, quoi. Oui, puis surtout, il n'y a pas de recette secrète, en tout cas chez nous, à ma connaissance, il n'y a pas de recette secrète, tu vois, à base de... Peut-être que chez les très grosses chaînes, les mecs à 3 millions d'abonnés et tout, il y a peut-être effectivement des secrets et sûrement des histoires de contrats quand on est sur des plateformes genre Webedia et tout ça, où les mecs peuvent pas tout raconter. Mais nous, très clairement, il n'y a pas de secret dans ce qu'on fait, il n'y a pas de secret. Comme je disais, on est tous des gens qui travaillons tout seuls dans nos chambres, pour résumer, avec notre petit matos, et voilà, il n'y a pas d'équipe derrière, il n'y a rien, donc très clairement, voilà, c'est quoi qu'on nous... Moi, on peut me demander n'importe quoi sur comment je fais des vidéos, il n'y a rien de secret. On peut même me poser n'importe quelle question sur l'argent vis-à-vis des vidéos, il n'y a rien de secret. C'est pas avec mes 10 euros mensuels sur YouTube que je vais dire non, je préfère pas en parler, tu vois, qu'est-ce que tu veux en faire. Donc voilà, enfin, à notre niveau à nous, il n'y a aucun secret sur ce qu'on produit et sur ce qu'il en découle, ou sur ce qui est derrière comme matos, comme technique ou quoi, enfin. Quoi qu'on nous demande, je pense qu'on est à même de répondre, quoi. Je veux pas répondre à toutes les questions sur la période dictatoriale de lescomics.fr sous ma présidence, mais pour le reste, on sera assez ouvert. Je voudrais revenir sur mes débuts de dinosaure à moi, puisque vous m'avez posé la question, je vais vous raconter comment je commence. Justement, on se demandait. J'ai commencé très très tôt, puisque j'ai fait mes... En fait, je... J'ai fait mes premiers contenus sur internet, c'était un site de fans sur The Authority. Oh waouh! Et on est à ce moment-là en 2002. Oh waouh! Je vous laisse imaginer la tronche d'internet en 2002. Et notamment, s'il fallait faire. Alors, j'étais déjà fan de The Authority et la publication en France s'était arrêtée, ça marchait plus. Je cherchais des infos, j'en trouvais pas. Et comme c'était compliqué d'en trouver, je m'étais dit, je vais faire un site de fans et en fait reprendre aussi des infos américaines et les traduire et ce genre de choses. Mais en fait, c'était la galère parce qu'il n'y avait pas vraiment d'outils pour fabriquer des sites internet. Donc, il a fallu apprendre en fait à écrire. En HTML à ce moment-là. C'est pareil, après, quand j'ai commencé à faire du podcast en 2005, ça n'existait pas, en fait, de fabriquer des trucs en podcast, donc il fallait écrire ces documents podcast, ces fichiers. Le podcast, ça fonctionne avec un fichier XML, en fait, qui est la source de ton fichier, donc il faut l'écrire, c'est du code, en fait, c'est aussi bête que ça, donc il a fallu l'apprendre. Et à l'époque, ça allait plus loin, je devais expliquer aux gens ce que c'était le podcast, c'est du MP3 qui se télécharge tout seul chez toi. J'ai fait des émissions où il fallait expliquer le mot... Du MP quoi ? Je devais expliquer le mot geek aux gens. En fait, j'ai fait des émissions où il fallait expliquer à un geek ce que c'était. Et du coup, moi, je le lisais, j'avais jamais entendu, donc GE, c'était un geek. Donc j'ai plusieurs émissions où je parle des geeks, de ce qu'ils font, de comment c'est cool et ce genre de trucs. En vrai, quoi. Donc c'est pour ça, faut pas hésiter à se lancer, quitte à se tromper, tu vois. Enfin, après, voilà. C'est con ou c'est mignon, ça dépend comment tu vas le prendre, mais. Et puis, ouais, enfin, c'est. Enfin, il me semble que. qu'à partir du moment où tu as envie de faire quelque chose, les quelques petites contraintes techniques qu'on peut avoir aujourd'hui sont facilement surmontables. Si tu as connu les années 80, les années 90, ou faire de la télé, à ce moment-là, c'était inaccessible. Je veux dire, aujourd'hui, balancer du contenu, un peu tout ce que tu veux, est devenu hyper facile. Puisque moi, j'ai commencé, je devais écrire mes propres pages HTML, c'était la galère. Après, quand MySpace est arrivé, je suis pas du tout passé par la case de Skyblog, j'ai eu un MySpace. Et après, je suis passé à soit des blogs de radio ou trucs, ou d'autres médias, et puis après à Facebook. Mais voilà, si tu as connu la façon, enfin, il fallait coder tes propres pages, et qu'aujourd'hui, tu as la souplesse d'outils qui te permettent de poser du contenu directement sur internet simplement, voilà, ça paraît beaucoup plus cool et simple de procéder comme ça aujourd'hui, quoi, il me semble. Donc voilà, j'ai appris à coder des flux RSS pour faire mon podcast, à faire du HTML. Après, quand j'ai eu ma plus grosse émission de radio, il fallait faire le site. Donc, j'ai appris à coder du HTML et du CSS avec un tuto, hein, 2 litres de café. Je passais 2 jours à bouffer des tutos et voilà. Et donc, le gars tout à l'heure me disait, mais pourquoi vous vous amusiez à fabriquer des costumes en carton Visiblement, t'as fait pire, quoi. J'ai fait des sites en carton, hein. C'était pas beau, hein. J'ai refait des trucs, mais c'est pareil, tu vois, ton site, une fois que t'as fait ton site, il faut que tu l'habilles, donc il a fallu apprendre les bases de Photoshop pour découper ton site et faire rentrer tes images dans ta grille qui permettait de construire le truc, hein. C'était voilà. Donc, allez-y les jeunes, foncez, c'est facile aujourd'hui, vous n'allez pas découvrir les trucs à la dure comme on l'a fait. Mais tu vois, c'est la même parabole que pour les comics. On disait, il y a plein de gens qui veulent découvrir les comics et qui veulent se lancer, et tu dis, bah oui, mais quand tu prenais un vieux Strange ou un truc comme ça, t'étais au milieu d'une aventure et tu prenais l'histoire en cours et t'apprenais à découvrir les personnages, t'avais pas besoin de savoir et d'avoir lu les premiers Spider-Man. Mais en fait, c'est pareil, on le faisait un peu à la dure, quoi. Et en fait, c'est l'envie de transmettre ces trucs-là qui a fait que, il me semble... Oui, et après, c'est tellement de kiff, parce que tu fais plein de trucs cool ensuite. Enfin, les émissions de radio, ça m'a permis de rencontrer plein d'artistes musicaux que j'écoutais quand j'étais petit. J'ai fait tous les mecs qui étaient accessibles, tu vois. J'ai un enfant du Club Dorothée, donc je suis allé interviewer Corbier dès que j'en ai eu l'occasion. Je suis allé rencontrer Richard Gottener chez lui parce que je l'écoutais quand j'étais petit. Et en même temps, j'ai fait Nada Surf, Stupéflip et Love Ofora parce que c'était cool, quoi. Et dans les comics, c'est pareil. Et au-delà des youtubeurs ici présents, hein, que je regardais comme un petit fan, quand on fait les interviews d'Umberto Ramos, de Liber Meo, tout ça, enfin c'est cool, quoi. Tu rencontres de pouvoir aller dire aux artistes. Enfin, tu vois, c'est quand même autre chose. Soit tu rencontres un artiste et tu fais la queue et il te signe un truc et vous faites un selfie et c'est cool. Moi, j'ai pas de selfie en fait parce que c'est très, ça va être très prétentieux, mais c'est pas le but. Mais en fait, on vit un moment privilégié avec l'artiste quand tu as l'occasion de discuter un quart d'heure avec lui vraiment en tête à tête et que c'est un moment. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir un selfie pour immortaliser ça, quoi. C'est ce truc. C'est vraiment très prétentieux. Oui. Hein. J'ai une question. Quand tu dis je suis un enfant du Club Dorothée, est-ce que tu faisais partie de ces enfants au t-shirt fluorescent qui tapaient des mains dans le public, non, ou est-ce que c'est une image? Je dis que j'étais conçu sur le plateau du Club Dorothée. C'est ça. Non, le cas, je suis bien plus vieux que ça, j'ai connu Recra 2. Ah oui. En plus, on a, alors là c'est plus effectivement axé sur la sphère comics, mais ça doit être réplicable à d'autres médias ou milieux. Moi j'ai musique et comics quand même, sur lequel j'ai à peu près les mêmes ressentis. Mais c'est ce que tu disais sur le côté interview et rencontre d'artistes. J'ai eu ça aussi à partir du moment où j'ai pu faire j'ai eu la chance, parce que je considère encore aujourd'hui que c'est une chance, de faire des interviews. J'ai pas du tout d'études journalistiques à mon curriculum vitae scolaire, pas du tout, quoi. Et c'est par le biais des vidéos que j'ai eu l'occasion mais c'est vrai que après coup, quand tu te rends compte que t'as pu avoir effectivement ce moment un peu privilégié avec Scott Snyder, Sean Murphy, avec Paul Dini à la PCE, enfin il y avait Val avec moi, et ça reste l'interview de Paul Dini à la PCE, ça reste un très très très très grand moment pour moi, humain, et c'était juste génial, quoi. Et je sais que j'ai chance de faire ça justement par le biais des vidéos qui m'ont amené à ça. J'ai pas commencé les vidéos en me disant un jour je ferai des interviews d'artistes, ça a été voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Mais Pour l'anecdote, non, mais... d'ailleurs, il y a un truc qui est rigolo, c'est que, et je pense que ça ferait rire énormément de gens aujourd'hui, quand j'ai commencé à faire mes vidéos de comics, enfin, avant même de commencer à faire mes vidéos de comics, quand j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire, à comment le mettre en forme et tout, j'ai envoyé un mail à Urban pour leur demander l'autorisation de faire des vidéos où je parlais de leur titre. Et ils t'ont répondu ou pas? Ouais, il m'avait répondu. C'est que après qu'ils ne répondaient plus alors. Bah c'était au tout début, hein. Ils étaient tout mous encore. Mais peut-être que ça avait dû beaucoup les faire marrer aussi. Mais je leur avais demandé voilà si me donnaient l'autorisation de parler de leur bouquin et de mettre 2-3 images dedans quoi. Et ils m'avaient répondu hyper cool. Ils m'avaient dit que si j'avais besoin d'images, qu'ils pouvaient m'envoyer des images un peu en HD et tout ça. Et surtout, je leur avais dit à ce moment-là que c'était encore en balbutiement. J'étais en train un peu de mettre le truc à plat et de définir. Et il m'avait dit, tiens-nous au courant quand tu sors la vidéo, tu nous envoies le lien, etc. etc. Non, c'est drôle parce que quelques années après, on cherche toujours à savoir quand est-ce que tu vas sortir des vidéos. Ouais, ça me fait bravo. Un peu rire, elle vois, est belle. Super. Elle ouais. est belle. C'est vraiment gratuit. Ouais, on aime. Non, mais c'est normal d'avoir des débuts comme ça où tu te poses des questions et t'essayes de te faire bien voir, ça c'est pas le truc, mais enfin de où tu cherches c'est un peu ta légitimité. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, tu cherches ta légitimité, est-ce que t'as le droit de faire ça quoi. Bah ouais. Et c'est de toute façon, on y va, tu montes en puissance aussi avec ces trucs-là. Si on reprend les interviews, tu vois ma première interview d'artiste à moi, c'est un petit groupe rouennais qui s'appelle les Rimailleurs, qui est un groupe de rap qui faisait un peu du rap rigolo et voilà quoi, et c'était des mecs de 20 ans comme moi en fait. Et j'étais hyper content que des mecs me disent ah ouais, putain c'est cool, on va faire une interview et tout, ça va être trop bien. Et c'était hyper cool quoi. Et puis après tu grossis et tu fais des groupes de plus en plus gros, mais effectivement tu commences pas par faire tu fais pas comme première interview Chaka Ponk ou Massisteria ou Nada Surf ou enfin mais qui tu veux quoi. Et c'est pareil, tu fais pas tout de suite Paul Dean en interview, tu demandes d'abord l'autorisation à Urban de parler de leur bouquin. Mais c'est pas je me moque pas hein, ça te fait rire. Non, ça me fait bon, après moi ma première interview comics c'était Sean Murphy, Scott Snyder, c'était pas mal, c'était ça va pour un début, ça va ouais c'est... mais tu vois c'est marrant cette histoire de légitimité en fait. Au moment où tu commences, tu as besoin que on te dise c'est bon en fait quand même. Parce que ah oui, complètement. Quand tu te lances en fait, personne ce qui est compliqué à trouver dans la légitimité, c'est que personne t'a demandé de le faire. Et donc, c'est quelque chose, enfin, je sais pas, moi, c'est quelque chose que j'ai eu peur de me reprendre dans la tronche, en fait. Dans le sens où je débarque de nulle part, personne m'a invité, j'ai toujours fabriqué mes trucs un peu en flibustier. Ma première émission de radio, c'est sur une radio associative de Tours. Et en fait, je suis allé faire l'émission parce que le mec qui devait faire l'émission pouvait pas venir ce jour-là. Et donc, il m'a dit, ouais, si tu veux, j'ai un créneau horaire, est-ce que tu veux aller faire l'émission? Et donc, je suis allé une fois. Et puis, je suis allé deux fois. Et puis, je suis allé trois fois. Et puis, après, j'ai déménagé dans une autre radio, j'ai eu un créneau à moi. Mais voilà, ça a commencé comme ça, en flibustier. Quand je fais mes premières vidéos YouTube, personne les attend. Quand je fais mes premières chroniques de la sélection comics à la radio, personne les attend non plus. Enfin, c'est... Quand je fais ma première émission à moi, au début, je voulais lancer une émission. Enfin, on me dit, ouais, tu pourrais lancer une émission et tout. En plus, tu sais produire. Si t'écris 2-3 vannes, ça peut être rigolo, ça peut être sympa et tout. Parce que j'étais producteur radio au début, avant d'être animateur. Et je voulais pas le. Enfin, je me sentais pas, en fait, de dire, bah, mais pourquoi est-ce que les gens prendraient une émission de moi? Pourquoi est-ce que ça intéresserait? Pourquoi est-ce que machin? Et en fait, mon pote qui m'avait poussé à le faire à ce moment-là, avait quelques animateurs radio et tout, et donc on a passé un bout d'après-midi à appeler des animateurs radio que je connaissais pas, mais qui étaient genre sur Rire et Chanson ou sur des radios comme ça quoi, pour que les mecs me disent non mais vas-y t'as le droit de le faire et tout, faut y aller et tout. C'est un peu pareil que ton expérience avec Urban, tu vois, c'est sauf que bon j'ai même pas osé demander tout seul. Et du coup c'est ça qui m'a un peu, après ça j'ai mis un an à me lancer vraiment, mais c'est ça qui m'a permis de me dire bon bah d'accord, ok, peut-être que j'ai le droit de le faire et peut-être que je suis pas si illégitime que ça de le faire. Et c'est cette ressource là qui est peut-être la plus dure à trouver, parce que les ressources techniques et le savoir et le matériel sont de plus en plus faciles à trouver aujourd'hui, mais c'est la légitimité, c'est une ressource qui est finalement en toi seulement, et c'est le combat le plus dur, puisque c'est toi qu'il faut que tu réussisses à convaincre, et c'est contre toi que tu te bagarres à ce moment là et à partir du moment où t'as ça, où t'es à peu près sûr que bah, tu peux avoir quelque chose à apporter, soit quelque chose que moi je vais trouver intéressant en termes de contenu, soit juste tu fais ça pour ton ego, mais après c'est les gens vont faire ce que vous voulez. Mais voilà, c'est contre toi en fait que tu choisis pourquoi est-ce que tu te lances et pourquoi est-ce que tu veux y aller quoi. Voilà. Spoiler tout de suite, pour moi en tout cas, la légitimité n'est pas dans les chiffres, du tout. Mais ça, c'est parce qu'on est des ratés du YouTube. C'est parce qu'on est foireux. Mais il y a plein de gens que je côtoie par le biais des vidéos et que j'ai eu l'occasion de rencontrer et tout, qui sont plus petits que des petits comme moi, et qui sont à mes yeux, enfin complètement légitimes à leur place. Et à l'inverse, tu vas avoir d'autres gens considérés comme gros ou très gros. Et on veut des noms. Bah, on veut des noms. Non, mais les noms, en fait, enfin, dans l'absolu, les noms, on les connaît, on sait. Mais on les connaît, on voit. On sait qui c'est. Nous sachons, hein. Nous sachons, d'accord. Mais après, il y a aussi une part de subjectivité, forcément, et les affinités qui vont rentrer en compte. Mais il y a un truc qui est, je sais que. Aujourd'hui, particulièrement, justement, comme on disait, le paysage de YouTube a changé, mais la façon dont les gens voient YouTube aussi a changé par rapport à quand chacun d'entre nous a démarré. Et alors, quand des gens comme Valentin ont démarré, Valentin qui a posté, donc pour rappel, si vous avez loupé le début du podcast, la deuxième vidéo de YouTube, hein, la première est hyper connue, bah, la deuxième, c'était Valentin. T'as des gens qui vont dire, mais non, mais moi je peux pas poster une vidéo parce que par rapport à un tel qui a je sais pas combien de milliers d'abonnés, c'est ridicule. Non, non, la légitimité n'est pas dans les chiffres. La légitimité, elle est quand tu sors quelque chose dont t'es fier vraiment et que c'est quelque chose que t'avais envie de faire et que t'as pas forcément cherché à. Alors peut-être que Valentin me rejoindra là-dessus, mais à modeler ou à adapter par rapport à la plateforme sur laquelle tu vas le sortir. De toute façon, YouTube au début, il n'y avait pas de modèle en fait, donc de base. D'autant plus. De base, c'était pas le cas, mais moi, je suis un mauvais élève dans le sens où effectivement, je ne cherche pas à me conformer à ce qui se fait et je bosse surtout pour moi. C'est-à-dire que. Mets un pouce bleu, mets la cloche, tous ces trucs là et puis même un ton un peu pareil, le même type de vanne, les mêmes types de zoom sur les visages, les mêmes types de cut, il y a une uniformité du YouTube game, je trouve, qui moi ne m'intéresse pas ou m'intéresse peu, et du coup j'ai vraiment pas envie de m'y conformer, mais ça se voit complètement sur ta chaîne en fait. Tu passes du coq à l'âne, tu passes des 2 minutes du peuple au comics, ensuite tu fais un truc SF, tu as un truc en dessin animé, t'as des émissions de 40 minutes trop longues sur le cinéma, trop longues. Exactement. Pour le format YouTube, hein. Bien sûr. Et donc c'est là on s'éloigne de le sujet, c'est plus la légitimité là, mais c'est juste que je suis conscient que ce n'est pas comme ça que je vais avoir des vues et des abonnés, si tant est que avoir des vues et des abonnés c'est un but. Personnellement je trouverais ça un peu dommage que ce soit le but premier de quelqu'un, que ce soit de faire des vues et avoir un maximum d'abonnés. C'est que t'as peut-être pas bien compris le délire en fait, enfin à mon sens quoi, sauf si tu veux gagner ta vie et faire du pognon, mais bon ça c'est encore autre chose, mais de toute manière, il faut un sujet, il faut que tu sois passionné quoi, parce que sinon ça marche pas je pense. Tu prends la plateforme comme un espace de diffusion, de liberté, ouais, et de création en fait. Exactement, je vois pas du tout YouTube, ça, c'est un peu comme une chaîne de télé, enfin une chaîne de télé dans le sens où il y a cette uniformisation là, il y a ce système de pub, il y a maintenant toute la censure de YouTube qui fait que tu es obligé de créer un certain type de contenu et de t'auto-censurer toi-même parce que ce soit dans ton propos ou dans l'utilisation de tes images ou de sons, parce que tu peux te faire bannir à tout moment ou te faire bloquer tes vidéos parce que tu rentres pas dans le moule, ça bride à fond la liberté de création. Et en fait moi c'est pas pour ça du tout que j'ai hébergé mes vidéos vidéos sur YouTube, c'est justement parce que à la base ça me permettait de montrer ce que je faisais aux autres, et si je ne peux plus le faire, bah YouTube, bah tant pis, je m'en vais, moi de toute façon je m'en fous, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc ça m'est un peu égal. Mon but à moi, c'est de montrer ce que je fais. Donc YouTube avant le permettait, maintenant YouTube te bride beaucoup plus, et plus tu as des abonnés, plus YouTube va être vigilant et t'empêchera de dire ce que tu veux, quoi. Donc du coup c'est assez intéressant, parce que justement tout ça se boucle assez bien, dans le sens où je pense que YouTube, enfin les YouTubeurs, les vidéastes se sont énormément lissés depuis quelques temps, notamment par rapport à cette histoire d'argent. C'est-à-dire que si tu veux avoir de l'argent, eh ben il faut faire des contenus qui plaisent à YouTube, parce que de un, c'est comme ça qu'il les mettra en avant, de deux, c'est comme ça qu'il les laissera monétiser et qu'il t'enlèvera pas les droits d'auteur, etc. Et puis enfin, c'est comme ça que tu plais à des sponsors, parce que c'est sûr que si t'as un discours un peu voilà, un peu limite, un peu vulgaire, un peu, enfin voilà, il y a, alors les paliers sont pas les mêmes pour tout le monde, mais si t'as un discours qui est pas parfaitement lissé et pas très commercial, c'est sûr que tu vas moins intéresser les gens, enfin moins intéresser les gens qui ont des trucs à vendre, et c'est un tout, puisque effectivement, bah en fait, pour en revenir à la légitimité, t'as d'un côté une légitimité qui est plutôt sur tes connaissances, c'est-à-dire est-ce que tu t'y connais assez en comics pour parler de comics, et puis d'un autre côté t'as une légitimité qui découle de YouTube, où on va donner de la légitimité à des gens parce qu'ils font des vues, parce qu'ils ont des abonnés, et pas foncièrement parce que leur contenu est spécialement pointu. D'ailleurs on va, si on fait du divertissement pur et dur, c'est très difficile de juger d'un divertissement en disant s'il est plus ou moins pointu, plus ou moins, enfin tu peux, autant à la limite de l'humour pur, un sketch pur et dur, tu peux juger s'il est bien écrit ou mal écrit, mais quand tu fais une vidéo bah bon, on va passer sur la mode des pranks et des trucs vraiment vraiment niveau zéro de l'écriture, mais même sans ça, des émissions de divertissement, est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas, qu'est-ce qui divertit qui, enfin chacun sera diverti par un truc différent, donc il n'y a pas de légitimité par exemple à faire du divertissement, enfin pour moi c'est très compliqué, donc et tout ça se, ouais, enfin tout ça se rejoint, quoi. C'est-à-dire que à force de lisser pour aussi bah rentrer dans le système, faire des vues et gagner un petit peu de sous pour certains, voire beaucoup de sous pour certains, et bah en fait les gens gagnent en légitimité parce que justement ils correspondent aux standards de la plateforme, mais pas forcément parce que leur contenu est extrêmement pointu ou extrêmement intéressant d'un point de vue culturel, quoi. C'est vraiment, en fait c'est, on pourrait presque dire qu'il y a deux légitimités, voire plus, mais il y en a au moins deux, quoi. Bah, il y a deux approches. Il y a l'approche, effectivement, en termes de légitimité, mais de sens, où tu vas faire quelque chose qui a du sens pour toi avant tout, et parce que tu as envie de le faire, et tu as cette plus-value, cette valeur ajoutée de création, et tu as l'approche business, quoi. Où tu vas vraiment prendre YouTube, la plateforme, et donc ses règles fixées avec une approche business, où tu te dis, bon ok, mon objectif c'est de faire des vues pour faire rentrer de l'oseille, alors autant te le dire tout de suite, si tu as envie de te lancer avec cet objectif là, ça va être très compliqué aujourd'hui, surtout si tu démarres de rien en ne connaissant personne pour te propulser et te mettre un petit peu en avant en termes de référencement et de présence, mais par contre c'est deux approches qui sont effectivement complètement différentes et pour moi assez opposées, parce que justement les règles fixées par YouTube dans le cadre de cette monétisation et de cette approche business, bah voilà, YouTube est une entreprise, ils sont pas là pour enfiler des perles, et je peux parfaitement l'entendre, et c'est leurs règles. Mais après, comme t'as dit Val, et je suis à fond avec toi, et je suis admiratif de cette approche là c'est que tu connais les règles de YouTube, tu sais qu'elles sont là, mais tu gardes cette liberté quelque part de dire, ben ok, t'as tes règles, moi j'y adhère pas, qu'est-ce qu'on fait? Tu me laisses poster mon contenu, ben je le poste, tu me laisses pas, c'est pas grave, vas-y, je vais ailleurs, et puis tu trouves une autre plateforme, quelle qu'elle soit, pour y poster ton contenu, dans une démarche de création simple, quoi. Mais c'est effectivement deux approches qui sont complètement différentes. Parce que moi je reste persuadé que les gros youtubeurs qui gagnent de l'argent grâce à YouTube, bon, ils ont aussi des avantages avec la plateforme qui font qu'ils y restent, mais allez, on va partir sur les un peu plus moyens, qui gagnent de l'argent mais sont un peu juste pour finir le mois, on va dire, ils restent sur la plateforme uniquement parce que parce que YouTube, Je ne sais plus où je voulais aller avec cette phrase. Hein. Vous voyez, j'ai perdu mon truc là, totalement. L'idée est partie. Parce que j'étais, pardon, sur la chaîne de... L'appât du gain d'un placement de produit ou de la possibilité de monétiser va venir un peu brider. Non mais voilà, c'est ça, ta c'est création que quoi. Moi je suis du bon côté de la barrière dans le sens où je ne gagne pas ma vie avec YouTube et où j'ai peu d'abonnés. Pour quelqu'un qui commence à gagner sa vie avec YouTube et qui en fait n'a pas le choix de se conformer à ce que YouTube lui dicte parce qu'il ne pourra pas gagner sa vie autrement en diffusant ses vidéos ailleurs en fait. Donc l'un des problèmes c'est qu'il y a aujourd'hui vraiment d'alternatives. On va parler de Dailymotion, voilà, de Vimeo, de choses comme ça, mais c'est des plateformes qui sont soit un peu spécifiques comme Vimeo, soit un peu moribondes comme Dailymotion. Complètement, ouais. Et voilà quoi. Après, à la limite, vaut presque mieux poster ta vidéo sur Facebook ou Instagram. À mon avis, t'as plus de chances de toucher du monde que sur Dailymotion. Donc, le problème, c'est qu'en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a des gouvernements qui font tout pour supprimer un petit peu de politique dans cette émission, les services publics qui ont soi-disant le monopole, mais qu'en fait, sur Internet, on a laissé s'installer des boîtes qui ont un monopole mondial cette fois-ci. On est largement au-delà du national, avec YouTube en matière de vidéo ou même Amazon qui est en train quand même de prendre un gros contrôle du commerce en général et il n'y a pas vraiment de, enfin on les bride pas, quoique là apparemment Amazon va être bridé suite au confinement parce qu'on va lui demander de ne vendre que des produits de première nécessité et plus trop de Switch et de télé, mais il y a quand même un truc assez étonnant quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui en matière de vidéo, qui dit vidéo dit YouTube quoi, il n'y a pas de les alternatives en matière de vidéo, elles sont pas énormes, donc ça joue aussi forcément dans le sens où YouTube impose ses règles, et bah en fait si tu veux pas suivre les règles de YouTube, ça veut dire que t'es condamné à aller sur des plateformes où il n'y a pas du tout le même flux quoi. T'auras maintenant, pas de visibilité ouais. Ouais, mais maintenant si tu te lances sur YouTube aujourd'hui, de toute façon t'auras pas de visibilité, donc à la fin peut-être aussi qu'ils vont se mordre la queue, parce que je pense que, enfin moi je voudrais pas me lancer sur YouTube aujourd'hui, tu vois, les statistiques que j'ai accumulées au fil des années, aujourd'hui quelqu'un qui se lance, s'il a pas d'appui particulier, s'il a pas un réseau quand même qui, parce qu'on va pas se mentir, en matière de vidéo, il y a aussi un peu de copinage, hein. Je veux dire, c'est pas forcément un terme négatif, mais très clairement, si vous avez pas déjà des potes qui font un peu de vidéo, un peu de contenu comme ça, c'est beaucoup plus dur de trouver un public que si vous avez déjà 3-4 grosses chaînes, ou même des chaînes relativement suivies, même si les gars ont 1000-5000 abonnés, c'est déjà pas mal. Si ces gars-là vous partagent, vous avez forcément plus de chances de gagner du monde dès le départ, quoi. Même si c'est 100 ou 200 personnes, mais ces 100 ou 200 personnes derrière vont repartager, ainsi de suite. Si tu pars de zéro avec zéro ami, genre dans la vie t'as pas d'amis, quoi, bah c'est quand même vachement tendu. Mais du coup, c'est un peu paradoxal ce que tu dis, parce que comment... Oui, peut-être. Non, mais on dit depuis le début, non, mais lancez-vous sur YouTube, ou lancez-vous pour faire des vidéos. Alors, on reste encore dans le domaine de la vidéo, on n'a pas encore parlé des blogs et tout ça, machin, mais l'idée qu'on est en train de développer, c'est quand même lancez-vous sur YouTube, et là, tu nous dis, ouais, mais maintenant, je devrais me lancer maintenant, comment, j'aurais pas envie d'y aller, quoi. Ouais, mais en fait, moi, pour être très franc, si je devais dire aux gens de se lancer aujourd'hui, je leur dirais pas de se lancer sur YouTube. Je leur dirais, oui, lancez-vous, parlez de ce que vous aimez, faites ce que vous aimez et tout, mais YouTube aujourd'hui me semble, enfin déjà, alors on va éliminer l'option vivre de YouTube qui est quand même une utopie pour 99% des gens qui sont sur YouTube, et ensuite, et encore pour ceux qui arrivent à en vivre, c'est quand même parfois au prix de pas mal de sacrifices, soit créatifs, soit humains, soit pratiques, techniques, bref, peu importe. Mais très clairement aujourd'hui, moi je conseille aux gens de se lancer et de parler de ce qu'ils aiment. Mais se lancer sur YouTube particulièrement me semble pas, franchement, et en plus en termes d'avenir, je pense que ce n'est pas une plateforme d'avenir dans le sens où ça date pas d'hier YouTube, il y a déjà maintenant des gens qui ont vraiment un monopole des vues sur YouTube, une fois encore c'est pas foncièrement négatif que ça existe, hein. Ça existe et c'est comme ça, mais je vois pas comment tu peux te faire une place aujourd'hui sur YouTube alors qu'il y a plein d'autres choses à explorer et plein d'autres contenus à créer, tu vois, c'est peut-être justement le moment d'inventer de nouvelles choses plutôt que d'essayer de faire déjà des trucs déjà vus 50 fois quoi. Ouais, mais pour le coup, moi, perplexe. En fait, je vois pas l'alternative du coup. C'est-à-dire que pour quelqu'un, pas la ZAD. Moi, je pense qu'il faut aller vivre dans la ZAD. L'alternative, elle se fait avec le temps, si tu veux. Quand on était sur MySpace et qu'on a vu ce petit réseau Facebook arriver, c'était le nouveau truc un peu à la mode. On allait dessus pour pousser nos contenus, mais sans trop y croire, quoi. Et en fait, enfin, Facebook, si tu regardes bien aujourd'hui, t'as des groupes, t'as des forums, t'as la vidéo, les photos. Il y a une sorte d'internet privé au milieu de cet internet public sur lequel tout le monde s'empresse d'aller, quoi. Enfin, c'est, on a la liberté de faire la même chose à l'extérieur, mais on fait tout chez eux, quoi. Il y a, et du coup, voilà, ça a révolutionné le, ça a pris le pouvoir et ça a révolutionné le truc. Et aujourd'hui, alors, qui est allé sur MySpace au cours des 5 dernières années, en fait, le site existe toujours si ça vous intéresse. Moi, écoute, c'est aussi, juste, pour l'instant, je vois pas l'alternative. C'est juste, je vois pas l'alternative viable à YouTube, en fait, qui va sans doute émerger un jour. Tu vois, Twitch, par exemple, est en train de tester plein de trucs et semble, enfin voilà, ce serait le challenger le plus sérieux vu de ma fenêtre aujourd'hui, quoi. Justement, je pensais aux autres plateformes vidéo qui existaient et il y avait donc notamment Dailymotion ou Vimeo, mais il y avait aussi la première plateforme qui a rémunéré les vidéastes, et ça, on l'a un peu oublié, ça s'appelait Meta Café. Et c'est la première plateforme qui rémunère les vidéastes et ça existe toujours. Voilà, sachez-le, j'ai vérifié. C'est assez étonnant. Et c'est, en fait, c'est à eux que YouTube a piqué l'idée de rémunérer les gens. Puisque à la base, YouTube ne rémunérait pas du tout les gens. Il n'y a pas de publicité, pas de placement, rien du tout. Et en fait, c'est parce que Meta Café a lancé cette option-là que quelques mois plus tard, YouTube a lancé l'option. Voilà. Mais tu vois, Valentin, tu dis, tu vois pas d'alternative à YouTube aujourd'hui. En fait, je crois pas que le support doit être une contrainte dans la création de contenu. Et du coup, le fait que aujourd'hui on puisse se poser la question quelle plateforme sérieuse existe en vidéo en alternative à YouTube, je sais pas si ça doit être une contrainte qui empêche les gens de fabriquer leur première vidéo et d'avoir envie de se lancer dans la vidéo. Ah non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et bah ouais, mais on peut pas débattre du coup. Ouais, c'est chiant. Hein. C'est chiant. Hein. Non, mais c'était dans l'optique d'avoir de la visibilité. Non, effectivement, pour la création, tu publies ça où tu veux. Y a pas de souci. Mais en termes de visibilité, là, moi, je ne vois pas d'alternative à YouTube. Après, la visibilité. Pour l'instant. La visibilité, c'est d'autres. Je pense, c'est d'autres ficelles. Que ça soit YouTube ou un blog ou alors l'audio je saurais pas trop dire, mais enfin pour moi la visibilité est d'autant plus par le biais de YouTube qui a cette approche de ce business model et ce seuil de rentabilité, mais cet aspect rentabilité, et donc va mettre en avant du contenu qui rapporte et qui génère des vues et de la rétention, etc. et pareil pour Facebook, c'est d'autres ficelles, quoi. C'est à dire que la visibilité, gagner en visibilité sur YouTube, c'est plus compliqué, mais pas tant dans la démarche créative, mais plus dans la façon dont tu vas faire référence et essayer de mettre en avant et essayer de positionner ton contenu. Même chose pour un blog, tu vois, un blog aujourd'hui, enfin avec la masse de contenu de sites, blogs, etc. qui existent sur le net. Ben encore une fois, si tu veux aller plus vite et ne pas passer que par le référencement naturel parce que bah c'est long et que c'est du travail et que c'est compliqué, et ben il faut que tu sortes le chéquier et que tu fasses des signes et que tu fasses des campagnes où tu vas acheter des mots clés pour te positionner, etc. Donc c'est d'autres ficelles à venir activer, je pense, en termes de visibilité, mais ça demande une approche, je pense, beaucoup plus business, quoi, en fait. La visibilité ne reflète en aucun cas la qualité du contenu. Ah non, ça c'est sûr. C'est sûr, mais comme c'était... On reste sur cette réaction du « je ne te conseillerais pas de te lancer sur YouTube si tu devais te lancer maintenant ». Non, mais après, ce que je dis aux gens, c'est si vous avez envie de faire de la vidéo sur YouTube, faites-le. Mais si t'as envie d'être un pionnier d'autre chose, par exemple, comme Matt a pu être un pionnier du podcast, comme Valentin a pu être un pionnier de YouTube, aujourd'hui, YouTube, c'est bon, on l'a usé, il y a plein de gens sur YouTube qui ont raconté plein de choses. Soit un pionnier d'autre chose. Trouve un autre moyen de, que ça soit en vidéo, à l'écrit, à l'audio, mais je sais pas. Trouve une plateforme où tu seras, en ce moment, il y a TikTok. Alors moi, je te dis pas de te lancer sur TikTok, forcément, et de danser et de chanter. J'ai jamais été sur TikTok, je sais pas trop à quoi ça correspond, en fait, mais je suis un vieux. D'accord, dinosaure? Mais, je veux dire, tu vois, c'est clairement des plateformes qui explosent aujourd'hui auprès des gamins. Et il y a des gens qui aujourd'hui vivent avec TikTok et on les a jamais vus sur YouTube ou sur, enfin ils ont sûrement une chaîne YouTube et un Instagram, mais je veux dire tu les vois pas spécialement dans les trucs, dans les gros trucs, quoi. Donc je pense que il y a toujours des choses à creuser, toujours des choses à développer, et de toute façon on en est tous un peu la preuve, c'est que si t'as envie de créer du contenu, la plateforme c'est une opportunité. C'est-à-dire que nous on a commencé à faire de la vidéo quand il y avait YouTube, ça aurait été autre chose que YouTube, on aurait mis de la vidéo ailleurs. Enfin nous avec mon frère les premières vidéos c'était sur Dailymotion par exemple, parce que YouTube existait tout juste, enfin en tout cas la logique de l'époque quand on a commencé c'était Dailymotion, pourquoi j'en sais rien, c'était comme ça. Et je pense que demain, s'il y a une autre plateforme, on ira faire du contenu sur une autre plateforme et ainsi de suite. Enfin, c'est pour ça que moi, le terme, par exemple, youtubeur, c'est pas pour faire le snob. Moi, ça me dérange pas qu'on me dise que je suis youtubeur parce que je poste de la vidéo sur YouTube. Mais je veux dire, moi, je fais de la vidéo sur YouTube aujourd'hui, mais si je veux en sortir ailleurs, j'en sors ailleurs. Et je ne me sens pas lié spécialement à YouTube. Je produirai du contenu ailleurs que sur YouTube. J'en ai produit ailleurs avant et j'en produirai ailleurs après, je pense. Et YouTube n'est pas une finalité, comme je le disais, à partir du moment où tu veux pas en vivre et où t'as pas pour idée de devenir un YouTuber. En fait, le danger, c'est ça, c'est de faire croire aux gens qu'ils peuvent devenir YouTuber en mode YouTuber star qui va être invité, etc. Moi, ce que je dis aux gens, c'est pas devenez YouTuber, devenez une star qu'on va inviter dans les salons, c'est produisez un truc que vous avez envie de produire et ça plaira forcément à des gens qui ont les mêmes goûts, même si c'est des goûts bizarres. Voilà, j'en suis la preuve sûrement vivante et mon frère encore plus, le pauvre. Mais donc ouais, je pense que l'important c'est de dire aux gens de produire un truc. Après, la plateforme, on s'en bat les couilles quoi. Et il y a aujourd'hui l'intérêt, je reviens sur, je prends le contre-pied total de vous en termes d'audience, il y a aujourd'hui toutes les niches possibles et imaginables. Les micro-niches et tout le monde aujourd'hui a son j'allais dire son média de référence, c'est un peu ça quoi. On avait le fanzina à l'époque, aujourd'hui t'as le forum sur la moindre passion, on te zoue pas. Et tu peux partager, même si tu ouvres un truc hyper pointu qui va s'adresser à 150 personnes et que tu as besoin de faire voir ton podcast, ton blog ou ta vidéo, tu vas trouver forcément un site qui existe et qui concentre cette communauté de 150 personnes, quoi. Si tu es le seul mec qui aime chasser à la canne à pêche, par exemple, ça va exister. Et bah, je suis persuadé qu'il existe. Tu tires à l'arc, mais au lieu de la place des flèches, tu prends des cannes à pêche. Voilà. Il doit y avoir un site de référence pour ce sport qui a lui-même un nom. Hein, c'est sûr que ça existe. Non, mais je voulais revenir sur l'histoire de la plateforme. Tu vois, le podcast est encore un exemple qui est un peu plus parlant et qui est la preuve que tout n'est pas hyper standardisé. Parce que autant pour vidéo, on pense YouTube, autant pour le podcast, il existe différentes plateformes. Et derrière, tu vas le reposter. Enfin, le système d'hébergement est différent, mais t'as pas. Enfin, je pense que le système est pas aussi clair que YouTube. Tu vois. C'est pas aussi catégorique. Tu peux poster ton podcast sur un serveur et ensuite le distribuer sur différentes plateformes ou utiliser des plateformes qui sont déjà plus ou moins toutes faites ou le transformer en vidéo pour le poster sur YouTube, ça se fait aussi. Alors ça, je pense que parce que le podcast est un média qui renaît depuis pas très longtemps. Oui. Et que si le format podcast audio continue sur cette nouvelle courbe ascendante, parce que c'est pas nouveau, mais si ça continue à monter, je serais pas étonné que dans quelques années des plateformes comme Spotify ou autres deviennent justement des plateformes centralisantes et que tu te dis t'es un leader Moi je suis même étonné que ça ne soit pas déjà fait, et notamment par exemple que Spotify ne rémunère pas Deezer ou les équivalents ne rémunèrent pas du tout là où YouTube rémunère ne serait-ce qu'un minimum les vidéastes. Alors Deezer produit leur propre podcast. Moi j'écoutais notamment un super truc qui s'appelle Nostalgie 2050 de Thomas VDB, et lui était payé par Deezer pour réaliser ses podcasts pour le site. Alors après c'est un peu différent, il y a aussi du contenu original YouTube, mais là moi je parle de rémunérer des créateurs qui postent leur contenu. Après le contenu original produit par une plateforme, ça c'est encore un peu différent, je pense. Pour le coup, il faudrait modifier un peu. On avait dit qu'on ferait des rigolades et des jeux. On n'a encore pas fait de rigolades et de jeux dans cette émission. Ce sera pour le prochain épisode. Hein, parce que là, on part sur un point technique. Mais pour le coup, la techno du podcast qui s'appuie sur un flux RSS, donc qui est un fichier XML, et donc qui donne plein d'informations sur votre podcast, permet pas d'avoir un produit fermé, puisque tu as l'adresse des fichiers et que par nature, tu dois permettre aux gens de télécharger le fichier audio pour qu'ils puissent l'écouter en mobilité. Le début du podcast, c'est ça, c'était des sortes d'émissions de radio qui étaient fabriquées, qui se téléchargeaient automatiquement dans ton iPod, donc qui n'avait pas de 3G, pas de Wi-Fi, rien du tout, pour que tu puisses l'écouter pendant que tu te baladais, cette diffusion. J'ai eu peur. Et du coup, voilà, la techno repose sur le fait que tu puisses télécharger le fichier. Donc, à partir de ce moment-là, on peut héberger le fichier n'importe où, même si c'est un fichier de marque Deezer ou Spotify. Il faudrait modifier la technologie du truc pour que oui, mais pour parce qu'on puisse plus choper tes fichiers, quoi. Parce qu'au début, ça marchait comme ça, mais la vidéo marchait pareil au début. C'est juste que très rapidement, des plateformes comme YouTube, etc., ont simplifié ça pour que les gens puissent héberger leurs vidéos. Si il y avait eu le même engouement, peut-être pour le podcast ou à venir, si ça vient en tout cas, si demain il y a une plateforme qui dit hébergez les fichiers audio chez nous, on s'occupe de tout le reste, on vous permet de présenter ça proprement comme il faut avec une page d'accueil, etc., comme une chaîne YouTube, je pense que petit à petit, peut-être pas du jour au lendemain, il y aura toujours aussi des vrais, des durs à convaincre. Des dinosaures, mais, quoi. Ouais, voilà, non mais tu vois, des vieux de la vieille qui voudront pas se plier à ça et dire oh non, moi mon podcast, je l'héberge. Mais pour le petit gars, comme on parlait tout à l'heure des connaissances techniques, du matos, tout ça, pour le petit gars qui se lance et qui veut pas se taper des codes de HTML toute la nuit en buvant du café, eh ben la facilité c'est quand même de prendre une plateforme toute faite, tu vois. Les plateformes toutes faites aujourd'hui, on peut pas leur reprocher aux gens. Il y a pas de problème par rapport à ça. Elles existent, elles te permettent de faire moyennement un abonnement de 5 balles par mois, tu peux héberger ton podcast, avoir un truc tout fait, clé en main, facile, qui gère ton référencement, qui fait ton inscription sur Deezer et Spotify en un clic. Mais tu vois, encore une fois, la valeur ajoutée de ces sites-là, c'est de dire je vais t'aider à diffuser ton podcast ailleurs. C'est un format qui est fait pour être diffusé ailleurs. Et aujourd'hui, la techno permet pas de bloquer, en fait, à ma connaissance, la techno permet pas de bloquer le contenu à une seule plateforme. Tu l'héberges où tu veux, et ensuite, n'importe qui, en exploitant le fameux flux RSS, peut utiliser le même contenu un peu partout. Bah, c'est comme nous, tu vois, par exemple, on est hébergé sur une plateforme, mais si tu veux, on l'a inscrit sur Deezer, Spotify et iTunes. Si tu veux prendre le flux RSS et la mettre sur l'application de podcast que tu veux, rien ne t'empêche de le faire, en fait. Oui, c'est d'ailleurs ce qui avait suscité des soucis il y a quelque temps, il me semble, parce que des plateformes allaient récupérer des flux RSS et du coup, monétiser par le biais de leur plateforme la diffusion et voilà, ils calaient des pubs, etc., etc. Sauf que, pour le coup, les créateurs ne touchaient rien et il y avait eu des histoires par rapport à ça. Je me souviens plus le nom de la plateforme, mais il y avait eu des grincements dedans. Surtout que le MP3, c'est une technologie qui est quand même assez ancienne, qui savait pas, par exemple, vraiment compter son nombre de lectures ou ce genre de choses. Et en fait, typiquement dans le cadre du podcast, ton podcast est hébergé sur une plateforme. Toi, tu fais ton hébergement comme ça. Ensuite, on inscrit le podcast sur un diffuseur de musique, genre Deezer ou Spotify. Eux, ils peuvent télécharger le podcast, le mettre en cache. Ils l'ont téléchargé une fois chez toi, ça compte pour un téléchargement. Par contre, s'il est écouté 10 000 fois chez eux, tu sais pas ce qui se passe, en fait. Et c'est pour ça qu'iTunes a jamais filé vraiment de statistiques non plus sur l'utilisation. C'est pour ça que du coup, on peut pas monétiser les podcasts, parce qu'on sait pas combien vraiment de téléchargements on a, combien de plays, combien de mises en cache, combien de ce genre de choses. Alors, peut-être que la techno a évolué parce que c'est à la mode depuis quelques années et que je suis plus très au point, mais il y a encore quelques années, c'était une techno qui était assez obscure. Tu téléchargeais le fichier et puis après, tout le monde pouvait le partager. Il n'y avait pas d'histoire de... Est-ce que finalement, c'est pas un peu le charme du flou du do it yourself, tu vois, c'est un peu ça aussi. C'est genre le mec fait ça dans sa cave et on saura jamais qui l'a écouté, quoi. Et finalement, il n'y a pas aussi, comme on en parlait, toute cette pression des statistiques de se dire, ah, je vais toucher que tant de pourcents des abonnés, puis tant de pourcents de vues. Ouais, voilà. Tu fais ton truc parce que t'as envie de le faire. Et après, est-ce que les gens l'écoutent? Est-ce que les gens le regardent? T'as des retours forcément de quelques personnes, mais est-ce qu'il y a eu 100 000 écoutes de gens qui n'ont pas donné leur avis, ou est-ce qu'il n'y en a eu que deux? Bah, en fait, tu le sauras peut-être jamais. Et finalement, est-ce que c'est pour ça que ton contenu est meilleur ou moins bon? Enfin, non, en fait. Donc, je pense que c'est... Perso, moi, j'ai un avis là-dessus, mais je répondais surtout à la question de est-ce qu'il ne pourra pas y avoir une plateforme qui va centraliser les podcasts type YouTube. Et c'est pour ça que, à part une plateforme qui va être moins chère et favoriser ton référencement, je vois pas ce qui peut arriver de ce côté-là. Et c'est pareil, quand une plateforme hyper puissante en référencement va arriver, les 50, 100, 150 premiers podcasts qui seront inscrits dessus vont être très forts en référencement. Quand il y aura 10 000 podcasts à référencer, ils seront perdus dans la mêlée comme les contenus le sont aujourd'hui sur n'importe quel moteur de recherche. mais lancez-vous quand même. Non, mais c'est aussi important, je pense, de... Enfin, il faut pas non plus... tout est pas rose, tout est pas... Je pense que tous autant qu'on est ici, on a tous déjà été découragés dans notre parcours de par rapport à des trucs qu'on a fait et qu'on peut-être bidé ou qu'on peut-être pas eu les retours qu'on attendait ou finalement aujourd'hui on n'en est pas spécialement fier ou j'en sais rien, tu vois. C'est normal. Et en fait, je pense que ça fait vraiment partie aussi de la démarche créative. C'est-à-dire que tu vas produire des trucs, tu vas les réécouter l'année d'après, tu vas dire putain, mais c'était vraiment de la merde. Et puis finalement, bah, 10 ans après, quand tu les regardes, tu te dis, ouais, je me suis quand même bien marré, tu vois. Enfin, c'est tout un processus aussi qui derrière te pousse à toujours faire autre chose et à évoluer vers d'autres trucs. Et je pense que l'important, c'est vraiment de pas s'arrêter ni à une déception, ni à un succès d'ailleurs, ce qui doit encore être pire que de s'arrêter à une déception. C'est pas parce qu'il y a un truc qui a marché que tout va marcher pareil. Et enfin, je pense qu'en fait, il faut pas trop s'arrêter à ce qu'on a fait avant, il faut plutôt penser à ce qu'on va faire après, quoi. Non, ça dépend de plein de choses, ça dépend de ta démarche, ça dépend de pourquoi tu veux te lancer sur internet et bah pour la thune, évidemment. Et voilà, si tu démarres comme ça, c'est que pour moi t'es mal barré, mais après t'es peut-être un businessman de génie et tu vas réussir à faire ton trou et il y a pas de problème, mais c'est-à-dire qu'il faut pas s'arrêter qu'au business, puisque pour rester dans la vidéo ou même le podcast, il y a de la technique derrière quand même, il y a plein de choses, donc voilà, mais mine de rien, cette notion de vue et d'abonnement et tout ça est intéressante, parce que effectivement moi j'aime beaucoup avoir on aime tous avoir des retours sur ce qu'on fait pour justement mettre, parce que tu peux pas forcément toi-même mettre le doigt sur ce qui va pas, et donc c'est aussi intéressant de voir ce que les gens apprécient, de voir je mets mes doigts où je veux et oui. Et c'est souvent dans le mais du coup voilà, là on rigole déjà, là c'est marrant, là commence bah, dès qu'on parle de d'oreilles. Mais c'est intéressant de déjà commencer par ton entourage, c'est-à-dire montre ce que tu fais à, pas forcément à ta famille ou à tes amis proches, ou enfin trouve des gens qui tu trouve penses des gens. Être réceptif des gens qui sont d'accord de regarder à ce que tu fais, et puis montre-leur ton contenu et demande-leur leur avis et tout, et puis et ton bah, contenu, voilà, hein, tu leur montres, oui, ton contenu et, c'est tout, attends, puis après tu te voilà, pour le reste, tu te gères. C'est après, c'est dans une deuxième étape, mais ça permet ça te permet d'avoir des retours directement, et puis de pas attendre d'éventuels commentaires, des vues à foison, et voilà, commence déjà par te constituer ton petit fan club perso, et vois après comment ça évolue, puisque de toute façon, si les gens qui sont autour de toi aiment ton travail, ils vont le partager, voilà, mais tu peux aussi commencer comme ça à juste demander aux autres qui t'entourent dans la vraie vie réelle de la réalité véritable ce qu'ils pensent de ton travail, quoi. Mais il y a un autre truc qui est parce que les gens qui sont ici dans ce podcast sont des gens qui se sont lancés, si je ne m'abuse, parce qu'ils avaient envie de partager quelque chose, parce qu'il y avait une histoire de passion, de création derrière. On s'est pas lancé. Vous voulez de l'argent, on c'est s'est tout. Pas lancé. Non, mais enfin, là tu fais le cake, mais on s'est pas lancé du tout pour oui, le business. Oui, en fait. Bien sûr. Et du coup, il y a un autre truc qui est intéressant dans cette histoire de communauté et de reconnaissance, c'est-à-dire que je dois avoir 1500 abos sur YouTube, tu vois, par exemple, et j'ai jamais pu avoir d'audience de mes émissions de radio, d'audience de mes émissions de télé ou d'audience de mes podcasts, réellement. Mais tu finis par avoir des gens qui sont des abonnés à toi, qui sont des fans, on va dire, même je sais pas si c'est le mot, et bref, par exemple, tu finis par identifier, et avec qui tu as une vraie relation, ou tu as une vraie qualité d'échange aussi, parce que tu sais ce que l'abonné, le fan, je sais pas, je les trouve pas valorisants ces mots, en fait, c'est un peu chiant. Bref, la personne qui t'a accordé sa confiance et qui consomme tes contenus, voilà, ouais, les gens qui te suivent tu finis par avoir des vraies relations avec eux, tu sais ce qu'ils aimaient, et du coup ça apporte aussi un autre regard sur ton boulot, puis tu peux avoir des vrais échanges, en fait. Il y a des potes, il y a des gens qui se sont lancés grâce à toi, à l'influence que t'as eue, de la même façon que toi tu t'es lancé parce qu'il y a des gens dont t'étais fan. J'aimerais qu'on revienne sur les gens dont on était fan aussi, vite fait. Et du coup, bah voilà, c'est cool, c'est vraiment cette espèce de cercle vertueux dans lequel tu as été influencé, tu as influencé d'autres gens, on s'est fait lire des trucs, on s'est remis en question. Enfin, moi, je sais qu'il y a un type, par exemple, qui me suit sur les trucs de podcast depuis plus de 10 ans, et que quand il n'est pas enthousiaste sur un truc que je produis, Eh ben, ça me fait me poser des questions quand même, tu vois, parce que si le mec est fidèle depuis 10 ans, c'est quand même que. Il doit beaucoup s'emmerder. Ouais. Qu'il a beaucoup de temps libre. Beaucoup de temps libre. On s'emmerde tous, non, en ce moment. Enfin, je sais pas. Non, ça va. Moi, je voulais un dernier point, parce qu'on parle justement des retours du public et tout ça. Si vous vous lancez, surtout, la règle numéro 1, c'est de ne pas accorder d'importance aux haters. C'est-à-dire que les gens qui n'existent qu'en venant vous cracher dessus, vous dire « ouais, c'est de la merde », à partir du moment où l'avis est négatif, n'est pas construit, n'est pas voilà, n'apporte rien. Voilà, s'il y a une argumentation, si c'est construit, si c'est pertinent, évidemment, un avis constructif peut être négatif, c'est possible. Mais si le mec vous dit juste « t'es moche, t'es con, tu fais un truc de merde », ça peut être vrai aussi, hein. Des fois, bon, la vie est difficile, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas répondre. Puisque ces gens-là, par nature, n'existent que parce qu'ils vous provoquent ou parce qu'ils cherchent à descendre, etc. Et en fait, s'ils n'ont pas ça, ils n'existent pas. Vous regarderez, généralement, ces gens-là ne produisent rien. C'est-à-dire que leur production, c'est de venir chier sur le travail des autres. Donc, si vous n'accordez pas d'importance à leur production, bah, ça vous fera le même effet que quand personne n'accorde d'importance à la vôtre, ça le vexera. Et donc, le mieux à faire, c'est que quand quelqu'un vous en veut, ne vous occupez pas de lui. Voilà. C'était ma leçon spéciale haters. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et comme on est au point développement personnel de ce podcast, je vais ajouter une petite touche aussi. C'est que il y a un truc qui, je pense, est hyper important, et notamment vis-à-vis des haters, c'est que quand on est dans cette espèce par rapport à la légitimité ou même par rapport juste au contenu qui nous plaît, mais on sait pas trop, etc., et qu'on est en attente des retours, et que les premiers retours qu'on a souvent sont assez rapidement, en tout cas ceux des haters, il faut garder une chose en tête, c'est que déjà, à partir du moment où vous avez produit quelque chose, que ce soit un article de blog, que ce soit une vidéo, que ce soit un podcast, que ce soit quoi que ce soit, déjà, vous pouvez avoir la fierté pour vous d'avoir fait ce truc-là. Vous avez fait quelque chose. Vous avez donc déjà fait plus que l'intégralité des haters qui viendront vous voir en vous disant c'est de la merde, puisque comme tu l'as dit, Chris, à très juste titre, ces gens-là ne font rien, ne feront jamais rien. Ils seront toujours bons à dire que ça c'est de la merde, que eux ils auraient fait mieux, mais ça restera au futur. Eux ils auraient fait mieux, mais ils feront jamais mieux parce qu'ils ne sortent rien. Vous, je suis pas d'accord avec ça. Souvent ils disent pas qu'ils auraient fait mieux, souvent ils disent juste c'est de la merde. Alors oui, des fois quand tu, alors c'est un autre degré de haters, mais c'est vrai que quand tu creuses un petit peu, des fois tu vas avoir des gens qui vont te dire ah, moi j'aurais fait mieux, machin, etc. Ça c'est pareil, c'est pas des avis qui sont constructifs. D'ailleurs c'est pas du futur, c'est du conditionnel. En plus. Petit point grammaire, pardon. Merci Monsieur Pivot. Merci Maître Capello. Mon baccalauréat littéraire vient de décéder, il est tombé de mon étagère d'ailleurs. Mince. Ah, il prend feu, c'est dommage. Mais du coup, ouais, mais enfin voilà, c'est en tout cas, je pense, pour moi, hyper important à garder ça dans un coin de votre tête. Prenez pas non plus un boulard de ouf, c'est pas la peine. Ayez un entre-deux, un juste milieu, mais vous pouvez déjà avoir la fierté d'avoir produit quelque chose. Vous avez fait quelque chose de vos 10 doigts et du peu de matériel ou du matériel que vous avez utilisé, mais vous avez déjà mené un projet à son terme. Et quand tu regardes dans les statistiques, de façon hyper large, tout milieu confondu, que sur les projets, un projet au sens large, je crois qu'il y a une statistique qui existe comme quoi les 2/3 des projets démarrés n'arrivent jamais à terme. Bah, vous avez amené un projet d'un contenu. Est-ce que c'est aussi valable pour les enfants? Parce que ça expliquerait pas mal de pour trucs. Pour tout, ouais, pour tout. Je pense que quand tu même 2-3 pouvoir... individus, ça m'étonnerait pas. Tu dois pouvoir l'accorder à tout. Mais en tout cas, enfin voilà, je pense que c'est un truc à avoir dans un coin de sa tête, c'est garder cette fierté que vous avez fait quelque chose, vous êtes allé justement au bout de ce truc-là et vous avez fait une proposition. Après, et je vais citer du coup un truc qui est sorti dans le podcast de Kian Kojandi et Navo. J'avais reconnu ma réflexion. Elle arrive de façon involontaire, c'est mais super bien ce qui. C'est totalement ça. On peut l'enjoliver en disant c'est une démarche artistique, etc., etc. Mais même juste à partir du moment où tu crées du contenu quel qu'il soit, c'est une proposition. C'est-à-dire que tu proposes ton contenu en le mettant à disposition, et après, bah voilà, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. S'ils adhèrent et qu'ils apprécient et qu'ils te le disent, c'est cool. S'ils adhèrent pas et qu'ils te le disent, mais en t'expliquant pourquoi, c'est cool aussi. Et si t'as des gens qui te crachent à la gueule, bah, n'y prêtez pas attention, parce que vous êtes allé plus loin que certainement eux n'iront jamais, quoi. Non, puis il y a des grosses sources de kiff. Enfin, la première fois que mon compteur sur mon blog a affiché un nombre à 2 chiffres, waouh, j'avais 10 visites. Ouh, j'étais content. Il y a 10 personnes qui sont venues. Puis après, t'as 100. Tu dis, ah, putain, c'est cool. En fait, il y a que, enfin, si tu peux trouver énormément de, de, de source de kiff et pas que dans l'audience en fait, ouais, produire le truc, être un peu... Ah ouais. Et puis aussi parce que les audiences actuelles nous font un petit peu perdre le sens des réalités, c'est ouais. pour ça que je dis toujours, fais venir les gens, si tu crois que 100 vues c'est pas beaucoup, fais venir 100 personnes dans ton salon et tu vas voir la merde que ça va être, je veux dire, on a perdu le sens des réalités parce qu'il y a des chaînes qui ont 10 millions d'abonnés, parce qu'il y a des mecs qui font 500 000 vues dans l'heure, mais en vrai, heureusement, il y a plein de gens, moi je sais pas, mon plombier quand il vient chez moi pour faire l'entretien de ma chaudière, il y a pas 500 personnes qui l'applaudissent quoi, il y a que moi qui le paye, tu vois. Donc je veux dire dans la vie de tous les jours, on a quand même rarement des centaines de personnes qui sont là pour toi, tu vois. Donc même si t'as qu'une centaine de personnes qui sont là pour te voir, c'est déjà énorme, et il y a plein de gens dans leur vie qui ne feront pas la moitié de ça, qui n'auront pas la chance de proposer le contenu qu'ils ont produit à ne serait-ce qu'une centaine de personnes. Donc effectivement, moi le premier, hein, ça m'arrive d'être blasé des fois par des stats sur une vidéo. Non, pas toi. Si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Bah, tu sais que t'as du mal à y croire, mais ça arrive d'être blasé parce que tu dis bon bah j'ai voilà. J'ai du mal à t'entendre dire ça surtout. T'as bossé des semaines sur un truc et au final ça, ne vous moquez pas chez vous, c'est mal. T'as bossé des semaines sur un truc et au final tu dis bon bah ça a pas l'air de déplacer les foules, mais cela étant bah en vrai je me dis des fois j'arrive quand même à être réaliste et je me dis en vrai même s'il y a que 3000 personnes qui ont regardé, bah en fait que 3000, c'est là que je me dis qu'il y a un problème, parce que 3000 c'est pas que, c'est déjà beaucoup. Donc il faut toujours remettre ça dans d'un point de vue réaliste et voilà, il faut pas s'enflammer. On focalise beaucoup sur les retours là sur le public et tout, enfin à mon avis c'est un truc essentiel aussi, tout le monde y pense quoi, mais tout le monde y pense, mais avant tout le premier truc c'est l'espace de liberté qui nous est offert par les outils d'aujourd'hui. Je veux dire, il y a encore deux dizaines d'années, si tu voulais faire publier ta BD, bah, il fallait passer par un magazine, tu pouvais pas. Si tu voulais faire publier tes articles, pareil, dans la presse, tu pouvais pas. Si tu voulais aller faire de l'image et passer à la télé, tu ne pouvais pas. Si tu voulais dire des trucs à la radio, tu ne pouvais pas. Et aujourd'hui, tu peux décider à 14h que tu as envie de faire un podcast, enregistrer le soir et c'est en ligne le lendemain, quoi. Ça me rappelle quelque chose. Un fameux épisode 0 de l'Estaminaire, par exemple. Bizarre. À réécouter sur vos plateformes de podcast préféré. Non mais enfin voilà, tu aujourd'hui t'as même, à la rigueur t'as même plus besoin de matos, puisque avec ce qui est fourni de base dans ta PlayStation 4, il y a un bouton share et tu peux faire directement du stream sur Twitch quoi. Donc tu peux avec du matos qui est pas fait pour ça directement faire tes trucs. Prends ton téléphone et fais des Facebook Live si tu veux. Tout est fait pour, t'as tous les outils pour le faire. Et avant de se dire comment ça va être perçu et comment ça va être vu, t'as déjà la liberté de tester ça et de voir. Enfin, tu peux même avoir le temps de regarder avec zéro vue, juste de balancer du contenu, voir si ça te plaît, si t'arrives à tenir un rythme, si t'arrives à structurer une idée, si t'as envie de le faire simplement quoi, de fouiner, de trouver des images sur The Authority, sur des sites américains parce que t'en trouves pas en France, et de voir si t'as envie de faire un site, enfin ce genre de choses. On a l'occasion de s'essayer à tout ça avant de se poser la question de comment ça va être perçu par le public. On a en fait, l'occasion de faire le truc pour nous. C'est ce que disait Valentin, avant d'aller chercher un, parce que on a aussi maintenant avec justement les réseaux, en fait on n'a pas encore tourné la première vidéo qu'on a déjà une page Facebook, un compte Twitter, et des machins et des trucs, enfin on est déjà en train de vendre le contenu avant d'avoir on vend le truc avant d'avoir produit le truc presque. On est déjà son premier spectateur je pense. Et ensuite, effectivement, il faut chercher d'abord à le montrer à des gens autour de toi et à regarder, essayer de retravailler des trucs. Je pense que le pire, c'est de foncer tête baissée et se dire bon bah allez, je balance et puis de toute façon, faut que je fasse 1000 vues dans la journée, sinon c'est que c'était nul, tu vois. Enfin, le but, c'est déjà soi-même de revoir ce que t'as fait et te dire bah tiens, est-ce que j'ai kiffé à le faire, est-ce que je kiffe le réécouter, est-ce que quand je le fais voir à mon frère, à mon cousin ou à un pote, il kiffe. Je pense que déjà la base elle est là. Après derrière effectivement tu peux commencer à chercher, si on peut dire, à faire connaître ton taf. Mais avant ça il faut déjà le tester dans un petit milieu quoi. C'est pas la peine d'aller chercher non plus, d'aller au devant des problèmes presque, j'ai envie de te dire. Et d'aller chercher, non mais à montrer. On sait que le premier truc il est pas parfait. Si tu le fais voir à 10 000 personnes, c'est évident que t'auras des retours négatifs aussi, parce que tout le monde est plus ou moins difficile, a plus ou moins des attentes. Donc il faut déjà le montrer à des gens qui vont pouvoir être, quitte à être dur avec toi, ou en tout cas donner un point de vue négatif, vont peut-être le faire de façon un peu plus douce que si c'était un inconnu qui a juste envie de se défouler parce que ce matin il a pas eu son journal ou j'en sais rien quoi, tu vois. Et puis surtout pas hésiter à, enfin surtout maintenant cette période de confinement, vous avez le droit de prendre votre temps aussi quoi pour chiader ce que vous faites, réfléchir à qui vous le partagez, à prendre les retours, à analyser ce qui va, ce qui va pas. Y a, au contraire, le temps est salutaire, j'ai envie de dire. Et surtout, lavez-vous les mains. Et surtout, lavez-vous les mains, ouais. Voilà, avec, ah, tout à fait. Ça valait le coup d'être en Valentin, tu vois. voilà, non mais tout à fait. Du coup, j'ai fini. Donc on prend le temps, on trouve le courage en soi, on regarde quelques tutos, on regarde le matos qu'on a autour de nous pour faire ce qu'on a envie de faire et on lance sa chaîne YouTube, son blog BD, son podcast, sa chaîne de photos sur Instagram ou ailleurs, sur la plateforme qu'on a envie. Si on ne sait pas, on demande, on a dans son entourage... surtout avec les réseaux, des gens à qui s'adresser, il faut surtout pas hésiter. Et non, effectivement, en dehors des réseaux, les gens qu'on suit, oui, quoi, tu peux simplement demander même, le photographe que t'aimes bien, l'auteur que t'aimes bien. Carrément. C'est vrai que je disais au début de la vidéo quand on faisait de la vidéo au début, pardon, on passait pour des gens bizarres. Mais en fait, aujourd'hui, ce qui est presque bizarre, c'est d'avoir une passion et de ne pas la partager. Parce qu'entre Facebook, Instagram, YouTube, n'importe qui, comme on disait, qui a n'importe quelle passion, même un peu chelou, même un peu voilà cryptique. Tout le monde, ou presque, partage une de ses passions sur les réseaux, même si c'est une passion qui peut paraître complètement, même si tu kiffes planter des cactus sur ton balcon, tu vois, mais tout le monde partage un petit peu des petits morceaux de sa vie comme ça, avec des trucs qu'il kiffe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, donc je pense que t'as forcément dans ton entourage quelqu'un qui a déjà un compte Instagram, une page Facebook, j'en sais rien, même s'il a que 3 followers ou 3 photos de postées, il pourra déjà au moins t'orienter vers un truc ou vers une plateforme qui est peut-être plus faite pour toi. C'est sûr que si tu veux faire de l'audio, faut pas faire un compte Instagram. Enfin voilà, ça peut paraître bête, mais c'est vrai que si tu pars de zéro et que t'as pas spécialement ces bases-là, c'est tout ça, ça s'apprend aussi. Mais ouais, avec les outils d'aujourd'hui, en tout cas, il y a pas besoin non plus d'être suréquipé pour arriver à produire du contenu. Quel que soit le type et la plateforme. Correct, quoi, sans arriver sur des trucs hyper haut de gamme, mais t'as pas besoin de, si tu veux faire de la vidéo, d'avoir une caméra ou un appareil photo de fou qui va filmer en 120 images secondes, comme ça tu pourras faire des ralentis et tout. Bah non, vas-y, et pareil pour le son, effectivement, à partir du moment où t'as un téléphone intelligent de milieu de gamme, comme je l'ai appris à l'épisode précédent que je vous invite à réécouter sur vos plateformes de podcast préférées. Blague à part, ouais, enfin voilà, je veux dire, on a aujourd'hui tous, moi les premières vidéos que j'ai faites, j'ai pris alors mon réflexe qui filmait pas en 1080p, il filmait en 720p, et le micro, c'était un petit micro cravate que j'avais payé 10 balles et que j'enregistrais avec une rallonge jack à mon ordi pour enregistrer avec Audacity. Donc c'est, enfin voilà. Je n'avais pas de trépied non plus, hein, mes trépieds, c'était une pile de bouquins avec un tabouret au-dessus pour mettre mon appareil. On a tous eu cette fameuse pile de bouquins. Mais, on a tous eu ce fameux trépied en livre. Mais c'est ça, et ça fait le taf, quoi. Enfin, la débrouille et pour pallier à ce que tu vas pas avoir et qui va peut-être te demander un petit peu de sous, etc. C'est pareil, la lumière, bah tu t'organises pour tourner de jour avec une fenêtre pas trop loin et à t'orienter pour être en fonction de ça. Ouais, ou alors tu vas chez But, t'achètes. C'est pas la peine d'acheter des, tu vois, des light à 150 balles le truc, enfin tu vas chez But ou chez Leclerc, t'achètes une lampe sur pied à 20 balles et ça te fera une lampe d'appoint, tu vois, enfin il y a plein de solutions un peu de débrouille du genre. De toute façon, ça sert à rien d'acheter un réflexe à 2500 € pour ta première vidéo, je te dis tout de suite, tu ne sauras pas t'en servir. C'est ça. Parce que moi ça fait 7 ans que j'utilise le même réflexe et encore aujourd'hui je découvre des fonctions dessus. Voilà, donc et le pire c'est que en plus j'aurais même tendance à dire que c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que tu vas après pour le coup être déçu, parce que si tu viens vendre un rein pour effectivement t'acheter un DSLR de fou et que tu te dis ah, comme ça je vais avoir une image de fou, sauf que bah, effectivement tu vas pas savoir t'en servir, tu vas le régler en mode automatique et il va te sortir un truc dégueulasse et tu vas arriver au montage, tu vas dire mais merde, mais en fait non, je me suis fait douiller, c'est nul, j'en referai plus jamais, et puis voilà, t'as perdu du temps, de l'argent, de l'énergie et en plus de la confiance en soi et tout ce qui va. Donc enfin voilà, il y a tout un tas de solutions pour te permettre de sortir du contenu propre, présentable, sans que t'aies à investir des sommes de malade, quoi. Mais effectivement, la caractéristique la plus importante quand on démarre, je pense, et encore aujourd'hui, c'est de se laisser le temps. Comme l'a dit Valentin tout à l'heure, et je suis complètement d'accord avec ça, ça ne sert à rien de se précipiter. Autant prendre le temps, et à partir du moment où t'es satisfait du truc, ou alors j'ai déjà entendu une histoire comme ça, il me semble, avec des animaux, mais un lièvre et une tortue, je crois. j'ai été trop loin là, excusez-moi. je parle à ref. Non mais l'histoire du matos, j'ai l'impression que ça vient, c'est quelque chose qui vient aussi parce que si t'aimes la BD par exemple et que ton truc c'est de faire ton blog BD. Tu vas finir par t'acheter du matos pour dessiner un peu mieux, puis avoir des feutres un peu plus quali et tout ça. Tu finis par avoir des trucs. Moi, je venais de la radio, j'ai acheté du matos de radio. T'as envie de faire de l'image, tu vas plutôt t'orienter vers de la cam, vers si tu veux faire du montage, t'auras des plugins de transition, des trucs comme ça. Enfin, si tu t'intéresses vraiment à un domaine et à un truc de production, tu finis par aussi naturellement, en fait, t'achetais du matos dedans, mais c'est avec le temps. Tu kiffes en fait, ouais. C'est ça. Ouais. C'est une courbe de progression, quoi. Mais comme un mec qui fait des maquettes chez lui, tu vas rater deux maquettes parce que t'as pas le bon pinceau, tu vas finir par t'acheter le bon pinceau, voilà. Ça, c'est comme ça que les trucs fonctionnent, quoi. Ouais. Super, merci. Eh ben écoutez, taverniste. Bah, bonne nuit, hein. Voilà, merci. Hein. Taverniste, c'était une contraction de tavernier et aubergiste. On est dans les staminaires, dont on fait des contractions. Voilà. Voilà. De toute façon, plus personne n'écoute. Là, les gens sont partis créer leur propre contenu sur Internet désormais. Bah, même moi, j'écoute plus. Donc c'est vrai que le bar est un peu vide. Hein. Le bar s'est vidé là. Ouais. Non, c'était trop sérieux. On finit avec le top 3 des endroits où j'ai fait caca ou pas? Ouais, moi aussi j'ai mon anecdote caca à raconter, un de ces quatre. Ah bah voilà, bah attendez, bah on va faire un petit point, on va se faire notre petit point caca là. Si, Le point caca. Parce qu'on a été très très loin sur le lancement. Un jingle prout. Bah du coup, pendant que Valentin commence, il va falloir que Mister Yanda et Chris nous trouvent une petite anecdote à base de matière fécale. Tu veux vraiment que je commence? Tu veux pas monter crescendo parce que la mienne elle est salée, hein, mais bon. Il l'a goûté en plus. De toute façon, c'est le fameux chocolat salé en fait, c'est ça. On est passé dans une toute autre atmosphère comme ça. Et puis d'un coup sans transition quoi. Et là le mec écoute, il dit putain, j'ai écouté 1h50 de cette merde pour en arriver là. Bah c'était pas la peine de rester. Je peux vous faire un point de mon histoire entre chacun de vous. Ok, si tu veux. Ça devient un peu compliqué là. Il y a moi, Valentin, moi, Yanda, voilà, moi, Chris, c'est ça. Et on va faire comme ça, moi ça me va très bien. Allez, voilà. C'est parti. Est-ce que nos deux autres compères ont des anecdotes caca, c'est ça? Attends, ils ont trois histoires pour leur laisser le temps d'en trouver. Ouais. Donc, il va falloir être très performant. J'ai fait caca au milieu d'une gare. Ah bah, on va rester dans le thème après, c'est bien, vas-y. Alors je ne sais, je géographiquement on se situe autour de Tours, alors je ne sais plus si c'est Tours ou Saint-Pierre-des-Corps ou un truc comme ça, et c'est une gare en fait où il y a un système de, on rentre par un côté d'un passage souterrain, et puis après il y a deux escaliers qui desservent, et plus loin il y a deux escaliers qui desservent une voie, et plus loin il y a deux escaliers qui desservent, et c'est tout, après c'est en cul-de-sac. Ça ressemble, en fait, le souterrain ressemble à une sorte de hache, mais qui aurait trois branches verticales. Et du coup, moi, j'étais avec des collègues de boulot et j'attendais un des trains que je devais prendre. Et j'ai été pris d'un soudain mal de ventre qui m'indiquait que je devais me rendre séance tenante au sanitaire. Et donc, j'ai proposé à mon collègue de garder mon sac, et mon train n'étant pas encore à quai, je me suis rendu dans le hall de la gare pour découvrir que les toilettes étaient fermées pour cause de travaux. Mais c'était quand même très très urgent, et il fallait que je trouve une solution parce que je ne voulais pas être catalogué au boulot comme le mec qui s'est chié dessus dans la gare. Et j'avais remarqué qu'il y avait un autre train qui était plus loin sur, je dors au quai numéro 2, et donc c'était le premier escalier, et il y avait un train sur une autre voie. Donc c'était le deuxième escalier, donc j'ai repris le passage souterrain, je suis allé à cette autre voie en me disant bah si le train est à quai, il a forcément des toilettes à l'intérieur, et en fait non, tu pouvais pas rentrer dans le train, c'était fermé, et ça commence à être urgent. Et donc je suis descendu pour aller au dernier escalier, celui qui était tout au fond, donc c'est un cul-de-sac, donc il n'y a pas de passage de touristes, quoi, t'es à peu près tranquille, il y a que des gens qui ont besoin de prendre leur train qui vont là, et en l'occurrence il n'y a pas de train sur ces quais là et j'ai fait dans l'escalier. Ah non. Parce qu'il fallait que c'était très urgent. Et donc il y a un moment, il y a le moment où tu es soulagé. Et avec le soulagement vient immédiatement l'instant où tu réalises que tu es accroupi dans un escalier et que donc il va falloir que tu trouves une solution pour te nettoyer, pour t'habiller et pour repartir. Donc voilà, donc il a fallu trouver de quoi m'essuyer. La seule chose que j'avais à portée de main, pliée en quatre à l'intérieur de ma poche de veste, c'était mon mail de réservation d'hôtel avec lequel je me suis. Et alors j'ai eu la, je suis assez fier de moi, j'ai eu la présence d'esprit d'enlever les informations personnelles, mon nom, mon mail et mon numéro de téléphone que j'ai déchiré de cette feuille avant de m'en servir comme d'une feuille de papier toilette. J'ai tout laissé là. Et je suis reparti comme si de rien n'était, prendre mon train avec mes collègues. Et donc après, il y a un mec qui a dû nettoyer. Probablement. Et ben justement, il est là ce soir, on l'a retrouvé, il est là pour nous. Non, c'est pas vrai. Mais j'aimerais savoir pourquoi toutes les toilettes de souvenirs étaient fermées à ce moment-là. Oui, il a mis fin à sa carrière ensuite. Non mais tu vois, tu réponds à une de mes grandes interrogations. J'ai bossé pendant une année à Océanopolis à Brest, donc le parc zoologique marin, et on m'avait raconté une anecdote comme ça de caca retrouvé sur les marches. C'était pas arrivé souvent, mais tu vas me griller ma deuxième anecdote plusieurs fois. et la question qu'on se posait tous, c'est mais comment et qui et comment et pourquoi ne te rends-tu pas aux toilettes pour aller chier quoi. Et effectivement, bah, oui, parfois... Pendant Vigipirate, Pirate, les toilettes étaient souvent fermées. C'est ça. Ouais. Alors allons-y. Pour ma part, je suis bien allé aux toilettes, mais c'était des toilettes qui étaient pas forcément faite pour ça. Il se trouve que j'étais dans une convention, mais je ne me rappelle plus laquelle, et c'était forcément avec vous. Ah, ça y est, on est complices du truc. non, parce que je vous rassure, c'était à la fin de la convention, je prenais mon train de retour. Sauf que... C'était avant de nous dire au revoir. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est que dans le train, j'ai commencé à me sentir pas très très bien au niveau des intestins. Et je me suis dit, vivement qu'on rentre pour que je puisse tout évacuer, n'est-ce pas ? Le souci, c'est que combien il y avait de chances pour que il y ait un accident entre une voiture et un sanglier sur un passage à niveau plus loin et que le train soit immobilisé pour une durée indéterminée. Je ne savais pas combien de temps au moment où on nous l'a annoncé. Et là, je me suis dit, merde, dans tous les sens du terme, c'est pas le moment, quoi. Alors, j'ai fait mon possible pour me retenir, et puis au bout d'un moment, comme Matt, t'as pas le choix, tu fonces, et tu vas dans les toilettes du train qui ne sont pas faites pour ça, clairement. C'est fait pour le pipi, mais c'est pas trop fait pour le caca. Mais j'ai eu ce même, et c'est pour ça que je vois très bien ce que tu veux dire, j'ai eu ce même sentiment de soulagement, et après de me dire, ok, alors attends, faut que je m'essuie, faut que je me débrouille pour laisser les chiottes à peu près propres. Et c'est vraiment en sortant des toilettes où je me suis dit, mais attends, le train est immobilisé, et que quand tu tires la chasse, ça tombe sur les rails. Et par acquis de conscience, je suis descendu déjà pour prendre l'air, et puis je me suis à peu près dirigé vers l'endroit où étaient les toilettes, et effectivement, je voyais encore quelques... Mon repas de la veille, sans doute, couler de sous le train, sur les rails, et je me suis dit, pourvu qu'on parte très très vite, parce que l'odeur va envahir le quai, et que, bon, après, on saura pas que c'est moi, mais je sortirai quand même mal à l'aise. Et au final, on a dû attendre une heure et demie, il me semble, hein. Avant qu'on prenne un bus pour rentrer, quoi. Mais c'était pas le moment le plus agréable de mon existence, effectivement. C'est pas une légende, alors ça tombe vraiment sur les rails. Ah ouais, là de mes yeux vus, je peux te dire que ça tombe sur les rails. Ouais. J'aurais appris des trucs. T'as vu. Comme quoi, ça vaut la peine de lancer du contenu. Voilà. On en apprend des choses. On pourrait faire le podcast, non? Le podcast, c'est pas mal. C'est pour la prochaine saison. Ouais, on va peut-être s'en garder sous le coude, pas toutes les émotions d'un coup, non? Je sais pas. J'ai fait caca dans la cave d'un pote. Allons-y, c'est parti. Pas d'un ancien pote, du coup, non? En fait, il faut que je vous plante encore une fois la topographie du lieu. On est dans une petite baraque dans le 95. Et donc, on rentre dans une espèce de cour intérieure qui va desservir plusieurs maisons. Et en fait, l'appartement de mon pote, on rentre, il y a une porte au rez-de-chaussée qu'on ouvre, qui donne directement sur un escalier, puisque l'appartement est au premier étage, ou alors, à droite de l'escalier, il y a cette cave. Lui, du coup, avait plutôt tendance à fermer la porte du haut de son appart, et pas vraiment la porte du bas. Et moi, j'avais rendez-vous avec lui, il était visiblement un peu en retard. J'ai tapé le code, je suis rentré dans la cour intérieure, j'ai sonné, il n'y avait personne, j'ai sonné, il n'y avait personne, j'ai sonné, il n'y avait personne, je suis retourné attendre dans ma voiture. J'ai attendu, attendu, attendu, et l'envie est venue. Donc, me sentant un peu bloqué, et dans l'espoir d'avoir raté la venue de ce même ami, je suis retourné dans la cour intérieure, j'ai ressonné, il n'était visiblement toujours pas là. J'ai tenté d'ouvrir la porte du bas qui était ouverte, donc c'était cool. Je suis monté à l'appart, la porte du haut était fermée, je ne pouvais rien faire. Et donc, eh bien, puisqu'il fallait s'isoler et que la cave était ouverte, je suis allé m'isoler là. J'ai trouvé c'est les journaux avec les annonces régionales, quoi. Genre Top Achat 95 ou un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai étalé quelques feuilles par terre, histoire de faire une sorte de réceptacle. C'est très technique, hein, quand même. Oh, putain. Bah, je vais pas, quand même pas salir. On apprend, tu vois, au fur et à mesure des expériences, ouais, on apprend. Incroyable. Et du coup, bah, j'ai rempli ce réceptacle, j'ai comblé avec d'autres feuilles de ce même journal, j'ai fait une jolie petite boule. Bon, j'ai pas du tout respecté le tri sélectif, j'ai mis le papier et les matières dans la même poubelle. Mais voilà. Et j'ai failli être surpris. C'est ça la conclusion. Genre, j'étais en train de jeter le truc à la poubelle quand le mec est arrivé, tu vois, donc ça s'est joué à 64 secondes. Il l'a su ou pas? Tu lui as dit ou... S'il écoute ce podcast, il doit l'apprendre ce soir. Chris, t'es au courant? Non, bah écoute, non, c'est... Mais je me disais aussi, c'était bizarre, il y a une drôle d'odeur dans la poubelle. Puis j'ai jamais retrouvé mon journal d'annonce. Bah ouais, j'ai cherché en plus. Ah, j'ai brouillé les cartes, je l'ai pas mis dans sa poubelle à lui. Ah, ah ouais. Malin. Bien vu. Malin. Voilà. Bien vu. Et le mec est vicieux parce qu'il découpe son nom, il met ça dans une autre poubelle. À chaque fois, il cache quand même, il dissimule quand même bien ses crimes, hein, je trouve. Hein. Et quand même un peu de. Hein. Le dernier est beaucoup plus clean. Écoute. Qui embraye du coup, c'est Yanda ou c'est Chris? Écoute, moi j'ai pas. Alors je vais vous décevoir, je n'ai pas d'anecdote à base de caca me concernant moi. Non, mais j'ai réfléchi. Le mec mange sain, c'est pour ça. Ben oui, je mange comme il faut. Non, mais en fait, je fais partie de ces gens qui ont beaucoup de mal à aller aux toilettes ailleurs que chez moi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc déjà, il faut vraiment que ça soit genre la Bérésina pour que j'aille aux chiottes ailleurs que chez moi. Et du coup, ouais, j'ai pas trop d'anecdotes. Enfin, j'ai beau réfléchir. J'ai une anecdote avec du caca d'animal. Quand j'étais petit. Ah. J'ai à l'école primaire, je vais être en CP ou en CE1, et en fait donc c'était une école en plein milieu de la Cambrousse, et la maîtresse d'école nous emmenait souvent faire genre du sport, il y avait une forêt à côté avec des champs et tout. Et je sais pas trop, d'ailleurs en y réfléchissant bien aujourd'hui, ça serait sûrement totalement interdit parce que ça serait considéré comme méga dangereux, mais genre il y avait un champ et elle nous faisait passer par-dessus la clôture pour faire du sport dans le champ. Bon, alors un champ où il y avait sûrement des animaux parfois, je pense, mais bon, bref, la preuve en est, suite de mon histoire. Et donc je passe par-dessus la clôture, et étant extrêmement aérodynamique et très sportif de nature, je me prends les pieds dans cette clôture et je tombe donc la main la première en avant dans la déjection d'un animal, hein, dans une bouse tout simplement. Voilà, c'est ma seule anecdote caca. J'ai donc il y avait une assistante avec la maîtresse qui m'a ramené à l'école pour me laver la main parce que j'ai dû faire après un bon kilomètre quand même avec la main pleine de bouse. Bon, c'est pas une anecdote dramatique, c'est mignon. C'était ma petite anecdote caca, j'ai rien d'autre en tête franchement, mais voilà. OK. Eh bien là, ma préférée. Alors du coup, pour compenser avec la mignonneté de celle de Chris, j'en ai une, mais elle est effectivement assez. Alors c'est relativement dans le thème puisqu'on parlait de débrouille, etc. Donc en fait, t'as dû te lancer toi aussi. ouais, j'ai dû me lancer, ouais. En fait, ça remonte donc à l'époque où j'étais dans la vente itinérante, donc je travaillais aux quatre coins de la France, et on était logé dans le cadre de nos déplacements, on était logé dans des gîtes. Donc on était plusieurs membres de l'équipe à être logés dans un gîte. Et là, en l'occurrence, je bossais dans le nord de la France. On arrive le premier soir de la semaine, donc pour la première fois, on arrive au gîte. On récupère en fait le même gîte que l'équipe de la semaine précédente qui n'étaient pas avec nous cette semaine. Et en fait, ils avaient laissé le gîte dans un état mais minable. Et donc, le propriétaire de Ner avait coupé l'eau chaude. Donc on arrive le soir, c'était en hiver, on arrive le soir dans le nord, inutile de vous dire que dans le nord, un soir d'hiver s'appelle mais comme il faut, et donc en fait, on arrive le soir pour se doucher, déjà, bah, première surprise, pas d'eau chaude, et le propriétaire nous dit « ouais, c'est comme ça, suite au problème qu'il y a eu, machin, etc., j'attends que votre patron me dédommage, donc l'eau chaude, ça sera pas au mieux avant demain ». Ok, donc bon, ben, pas le choix, première douche à l'eau froide, ça réveille. Et j'étais à ce moment, à cette époque-là, encore fumeur de tabac et donc adepte le matin et le soir du rituel des 3C. Café, clope, caca. Si vous ne connaissez pas ce rituel et que vous êtes non-fumeur. Et donc, du coup, arrive le soir, après donc la douche à l'eau froide, après le repas, je me lance dans ce rituel des 3C. Donc, premier C, le café, deuxième C, la clope. Et assez peu de temps après, arrive le troisième C. Évidemment. Je me rends séance tenante aux toilettes du gîte. Et une fois que j'ai fait ce que j'avais à y faire, je réalise qu'il n'y a pas de papier. Absolument rien. Et là, je me dis, ah merde. Sauf que comme on venait d'arriver et que les autres précédents avaient laissé le gîte dans un état minable, il n'y avait donc pas de papier et il fallait donc faire avec les moyens du bord. Je me suis dit, bon, qu'à cela ne tienne, premier réflexe, un petit peu comme Matt, je me dis, je vais essayer de trouver un journal, un truc, quelque chose comme ça. Il n'y avait, sur ma vie, rien. Putain, ça sent le crépi, ça sent le crépi. Moi, je pense que ça sent la main. Moi. Et donc, alors non, j'ai pas voulu faire avec la main. Il fallait quand même que j'atténue un petit peu. Il a pris la main d'un de ses collègues avant d'aller pouvoir me nettoyer. Donc non, la seule chose que j'ai pu trouver, ce sont des filtres à café, des anciennes cafetières. Attends, on est d'accord que à ce moment-là, pour trouver les filtres à café, comme ils ne sont pas dans les toilettes, tu te promènes dans l'appartement. Ouais, je me suis déplacé, mais voilà, il fallait que le champ de déplacement du coup soit relativement restreint. Et donc j'ai pu accéder à la partie salon et cuisine. Donc, Splinter Cell du caca. Quoi. Pas de magazine, mais filtre à café. Et ni deux, je me dis bon, vas-y, ça passe. C'est pas fait pour. Ouais, c'est, voilà, c'est ça. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Je vous confirme que ce n'est pas fait pour. Voilà. C'est resté un souvenir de débrouille, mais à choisir, À choisir, je ne le referai pas. Ouais. C'est une matière légèrement abrasive, dirons-nous. Ouais. Donc voilà. Mais alors le lendemain matin, le café avait un petit goût. Mais alors, les fameux 3C, les mecs n'ont jamais compris d'où ça venait, ouais. Mais c'était vraiment super. Il y avait les 3C en un seul filtre. C'est ça, exactement. Voilà, c'était mon anecdote. Pas mal, elle est bien. Bon, mon dernier est horrible, mais dans un lieu fait pour ça, Le mec se dédouane déjà. Non, bah parce c'est horrible, que j'ai fait deux lieux étranges depuis tout à l'heure. Du coup, je suis en train de faire des courses dans une grande rue commerçante du Havre, cette belle ville du Havre. Et je commence à avoir un peu mal au ventre. Je dis avec la fille avec qui j'étais, qui deviendra la mère de mon enfant plus tard. Je dis à la fille avec qui j'étais, il va falloir qu'on rentre, je crois que je suis un peu malade. Donc au début, bon, bah, tu fais un peu le fier, on marche, on va vers l'appartement et tout. Et à un moment, ton estomac te dit, non mais en fait, là, c'est marrant. Tu devrais courir un petit peu en fait. Donc, je presse le pas poliment, je dis, écoute, on se retrouve à l'appart, je vais partir devant. Je presse le pas, quand je vois que je ne suis plus en vue, je cours vraiment. Et là, mon estomac me dit, non, t'as aucune chance que ça passe. Donc, je me retrouve dans une rue latérale à devoir chercher une solution. Et ces fameuses rues latérales n'ont strictement aucun commerce ou bout de jardin que je pourrais privatiser ou ce genre de choses. Et vu l'urgence du truc, je me résous à me mettre accroupi entre deux grosses poubelles pour faire ce que j'avais à faire, parce qu'il ne me semblait pas y avoir de solution, quoi. Et un voisin sort à ce moment-là, juste quand j'allais commencer. Donc je refroque. T'avais le pantalon baissé. J'étais prêt, quoi. Et puis je pars comme si de rien n'était. Et du coup, le mec a dû griller que j'étais en train de faire un truc chelou. Et donc, c'est bien. Ah, tu sais, je me suis dit, bon, bah, je vais faire comme si je partais, je marche 10 mètres. Le mec va partir faire ses courses. Et puis moi, je reviens finir, quoi. Donc le mec s'est bien posté en vigie et a bien attendu que je parte pour de vrai. Donc moi, je suis toujours dans le mode, il faut rester digne et faire semblant, mais c'est très très urgent. Et je passe, le seul commerce devant lequel je passe, c'est un petit garage Renault de centre-ville, machin, pas possible. Tu sentais déjà que c'était le petit garage, enfin cradouille, que c'est pas la grande, le grand centre auto. Bref, je rentre dans le truc et je commençais à avoir des suées et tout. Enfin, c'était et je m'approche du garagiste et je vois un mec qui est genre couvert d'huile de vidange ou de matière, enfin ce que tu veux, de graisse noire, enfin dégueulasse, des pieds à la tête. Et j'ai dû bafouiller un petit pardon, c'est vraiment très urgent. Est-ce que je peux utiliser aux toilettes? Le mec me fait c'est là. Et là, quand j'arrive dans les toilettes, c'est Trainspotting. Ah, c'est-à-dire que, d'abord, le premier contact que j'ai avec ce truc-là, c'est, vous savez, cette demi-porte qui fait pas toute la jointure en haut et qui fait pas non plus toute la jointure en bas. Elle fait la moitié en hauteur de la porte. Et elle est faite avec des planches et qu'il y a des trous entre les planches, d'accord. Je rentre dans le truc, il n'y a pas de lumière. Je pose mes pieds pour essayer de trouver un peu avec la pénombre, la lune des chiottes. Et quand je marche, j'entends plouf. Ah, plouf, putain. Plouf, plouf, plouf. Et donc là, tu dis, J'y vais pas, qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc il a fallu tenter une solution d'équilibriste pour à peu près faire ce que j'avais à faire sans toucher les bords, évidemment, hein, parce qu'il faut pas s'asseoir sur la lunette, tu sais pas à quoi ça peut ressembler. Tu fais des squats, quoi. C'est... Attends, t'es dans le noir et tout, c'est pas possible. Poliment, j'ai cherché une feuille de papier toilette que je n'ai jamais trouvée. Et après, il y a le moment de la sortie. C'est-à-dire quand tu as fait ça... Mais du coup, comment t'as fait sans papier toilette? Je suis parti sale et je me suis douché chez moi. Ah la vache. Et il y a le moment de la sortie, c'est-à-dire que je me dis qu'est-ce que je vais croiser le mec en sortant, je dis merci, je donne un pourboire, comment tu, je fais semblant de discuter, je parle de ma bagnole, je lui serre pas la main, tu vois, enfin c'est, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc je suis sorti, j'ai tendu un peu la tête dans le garage, et le mec avait pas l'air d'être plus là, il devait être sous une bagnole ou un truc, et donc je me suis carapaté. Mais je me pose encore la question de à quoi aurait ressemblé le truc avec de la lumière, en fait. Je suis très très... Pour moi, c'est... Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui faisait plouf plouf, qui tapotait avec une fourchette dans un verre d'eau. Mais voilà, mais ouais, pour moi, l'image de ce truc-là, c'est vraiment la scène de Trainspotting dans lequel il arrive et c'est les pires chiottes d'Édimbourg, quoi. Je dois pouvoir vous trouver l'adresse sur Google Maps, ça vous intéresse, si vous voulez aller en pèlerinage sur ce lieu. Super, ouais, franchement, ça vaut le coup d'aller voir si c'est toujours pareil, si le mec a pas, ça se trouve, le garagiste s'en souvient. Le mec peut-être qu'il s'en souvient. S'il nous écoute d'ailleurs, il le découvrira ce soir. Ouais. La belle histoire. Bah, il a passé 2 heures à ventouser le truc pour récupérer ses sanitaires, donc forcément, oui, il s'en souvient. Si vous voulez voir à quoi ressemble la détresse qu'on a évoquée là, ces dernières minutes, allez voir J'irai chier chez vous de Yes Vous Aime. C'est très con, mais c'est très très bien joué parce qu'on voit vraiment la détresse du type qui veut chier et qui peut pas. Et c'est très bien fait. Voilà, petit point culture là, comme ça. Y a la chanson Le blues intestinal des VRP sur le même thème. Bah, voilà, parfait. Putain, j'ai envie de te dire que ceux qui pensaient qu'ils pouvaient pas se lancer sur Internet, après avoir entendu tout ça, ils savent que tout est possible. Et que tout le monde est légitime, surtout. Tout à fait, voilà, il n'y a pas de barrière. On fait feu de tout bois. Parlez de ce que vous voulez. On a commencé très fort, la prochaine fois j'aurai des anecdotes pipi, mais c'est beaucoup plus mignon, quoi. Non, mais la prochaine fois on vous fait un vrai podcast, la prochaine fois il y a un sommaire, la prochaine fois il y a plusieurs thématiques, là on s'est un peu rodé et tout. Donc la prochaine fois il y a un sommaire, il y a plusieurs thématiques, il y a un jeu au milieu pour qu'on puisse un peu rigoler, on vous refait un peu de lampe torche verse, on prend vraiment notre rythme de croisière. Mais là puisqu'on se lance dans des jingles, des stars, non. Heureusement que dans tes shots il y avait personne à ta place et que les shots n'étaient pas numérotés, parce que ça aurait c'est clair, parce que là ça aurait vraiment été la merde. Et pour le coup j'aurais bien eu besoin d'une lampe torche. mais voilà, le vrai podcast commence la prochaine fois dans le prochain épisode de l'Estaminaire, que je vous remercie d'avoir suivi. Nous on se lançait dans le podcast, on avait envie de vous donner envie de vous lancer vous aussi dans vos passions, de parler de ce que vous aimez, que ce soit sur internet, dans les médias traditionnels ou de monter un club de bridge ou de questions pour un champion si c'est votre truc. Bref, lancez-vous et faites-vous kiffer, vous n'êtes pas uniquement votre travail, votre fiche de paye et votre compte en banque. Voilà, je m'appelle Matt et c'était le deuxième vrai numéro de l'Estaminaire. Merci à Chris, à Valentin et à Yanda d'avoir animé ce truc-là avec moi. Et comme d'habitude, eh bien, je vais disparaître et vous laisser conclure tout seul. Eh ben non, ben merci à toi, Matt. Un vrai plaisir comme d'habitude et j'ai hâte de vous retrouver tous et toutes la prochaine fois. Hein. Je ne sais pas quand, on verra. Eh ben moi, pour terminer, je dirais ce que vous ne trouvez pas, faites-le. Et moi, pour terminer, je dirais j'ai pas payé la dernière fois, je ne paierai pas cette fois-ci non plus. Ciao.